Mon nom est Trunks. Ça peut paraître étrange, mais je viens de 20 ans dans le futur grâce à une machine à voyager dans le temps. C'est incroyable! Asa Soti! Oh! Yannick Home! Oh! Leur puissance est stupéfiante, même selon nos standards. Ce sont des monstres! Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AniMinute EX Alpha Prime, un nouveau format pour lequel je reçois un invité, Amano. Salut Amano, comment ça va? Ça va, et toi, Arthur? Merci de l'invitation, déjà. Bah, avec grand plaisir, surtout merci à toi d'avoir bien voulu inaugurer ces interviews dans AniMinute. Ça fait un petit moment qu'on voulait en lancer, on avait déjà eu 2-3 invités dans les gros épisodes, mais on a rarement le temps un peu de s'étaler sur leurs passions, qui ils sont, de créateurs ou tout autre. Et donc, je voulais vraiment faire ce petit format pour mettre en valeur plein de gens comme toi, finalement, qui font vivre et qui donnent envie de leur passion à plein de gens, en tout cas. Donc, on va pouvoir passer une heure ensemble pour un peu apprendre à te connaître, un peu discuter aussi de passions communes ou non, d'ailleurs, pour un peu faire un état des lieux de ce qu'on aime et puis discuter tranquillement et puis qu'on puisse passer un bon moment, tout simplement. Si ça te va, et bah parfait. Et bah déjà, est-ce que tu peux un peu nous présenter, toi, ce que tu fais donc sur Internet, finalement, comment tu partages ta passion avec les autres? Donc, moi, c'est Amano, c'est le pseudonyme que j'utilise depuis quelques années maintenant. Donc, j'ai fait un peu, j'ai roulé un peu ma bosse un peu partout. Je commençais assez jeune, même encore je suis assez jeune, hein, on me donne souvent très très vieux par rapport à ce que j'ai en réalité. Donc, j'ai commencé en faisant des trucs sur différents forums, puis sur quelques blogs, et là, depuis les 2-3 ans maintenant, je suis plus focalisé sur Twitter, et un peu depuis moins longtemps sur YouTube. Donc je suis spécial, enfin au début mon compte Twitter c'est quand même mon compte perso, donc je profite pour raconter un peu ce que je fais, tout ça, mais on va dire que je me suis construit, si on peut appeler ça comme ça, une petite réputation par rapport à tout ce qui touche aux analyses de marché, principalement japonais, via l'analyste Oricon, dont je reprends les chiffres, je fais des graphiques, je fais des analyses des ventes et tout. Ça m'attire certaines foudres aussi de temps en temps, mais... Évidemment, Twitter. Hein. Ouais, c'est ce réseau. Et après, sur YouTube, c'est un peu plus personnel, je parle d'œuvres... Au début, j'avais essayé de reconvertir ce concept d'analyse, ça m'a un peu moins plu après. Mmh. Et du coup, je me concentre sur parler d'œuvres que j'aime, les analyser quand c'est possible... Mais après, vraiment, rester dans un aspect qui me tient assez à cœur, même si ce n'est pas forcément comme la plateforme, rester sur un truc assez documentaire et me dire, j'ai envie de faire des vidéos où quand les gens sortent, ils se disent « Ah purée, j'ai appris un truc, quoi. » C'est vraiment ce que j'essaie d'atteindre. Okay, que ce soit ici ou sur Twitter, dans tout ce que je fais. Ok, donc c'est une démarche qui est plutôt intéressante, hein, parce qu'on est dans une époque du divertissement, plus que presque de l'apprentissage, même si on revient beaucoup sur les formats très presque éducatifs, hein, on voit que ça revient beaucoup, que ce soit YouTube, même Twitter, hein, des threads vraiment explications, etc., etc. Là, je pense que c'est assez cyclique. Je pense vraiment que il y a pas forcément dans tout le public, mais des parties du public qui font ce cycle de un moment ils ont plus envie de se divertir parce que ça doit être des périodes de leur vie où ils se sentent un peu plus mal. Ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes un peu plus sombres. Bah, évidemment. Et vraiment des passages où il y a vraiment une envie d'apprentissage, et je pense que tout le monde l'a, et c'est quelque chose que j'estime qui est nécessaire. Moi, du coup, je me suis dit, je vais essayer de parler de ce que je fais, de domaines qui ne sont pas forcément très courants. Hein. C'est vrai que quand on parle de manga, on imagine mal quelqu'un parler de pourquoi, là, ce truc, ça a vendu 500 000 copies au Japon la semaine dernière. Surtout, ce que je me dis, que c'est très compliqué d'aborder ça, les thèmes que je veux aborder. Ça, ou le côté plus documentaire sur, je sais pas, par exemple, comment Metroid a construit ses premiers opus, ou comment Chainsaw Man parle, je sais pas, avec son héros d'un complexe d'Oedipe. C'est compliqué d'aborder ça d'un point de vue de l'humour en faisant des blagues. Je le vois pas, et je pense que dans le meilleur des cas, ça détruit le raisonnement. Dans le pire, ça rend le truc complètement impossible à regarder ou à lire. Non, mais c'est ça. Puis après, souvent, on a beaucoup de créateurs qui se cachent derrière l'humour pour cacher un manque de fond, finalement, et dans la forme. Il y a eu beaucoup de ça, au début de YouTube, plutôt au milieu, un peu à l'âge d'or de YouTube, où il fallait forcément de l'humour pour que ça marche, mais parce que le public en avait besoin. Nous, on est les premiers à un peu utiliser ça aussi. Hein, c'est qu'on met pas mal d'humour, après, parce que nous, on est aussi sur ce créneau-là, et on on ne va pas faire du fond pendant 4 heures. Mais voilà, c'est que c'est aussi, des fois, ça permet de redonner du peps, c'est de donner de l'intérêt et Ouais, d'avoir plusieurs bah, publics. t'as ça, t'as aussi le montage, les trucs très Bah dynamiques. évidemment. Bah, Et ça, c'est le. une vidéo du JDG qui m'avait beaucoup, du Rouenet, qui m'avait. J'étais d'accord, où il disait que YouTube, ça l'emmerdait parce que pour lui, les montages, c'était. Fallait faire du bruit, hop là, il y a les clés qui Oui. bougent, tout Non, je ça. Ouais, suis. c'est Puis il y a totalement. beaucoup de créateurs qui vont plutôt sur ce créneau-là. Je suis notamment, Ouais, c'est ça, pour le t'as. citer, John Judan, qui est un youtubeur spécial Dokkan Battle, donc très précis hein, dans ce qu'il fait. Et donc voilà, c'est un peu comme du pack opening sur du gacha, quoi. Et donc forcément, il y a dernièrement, il s'était pris une vague de déferlante parce qu'il n'était pas assez genre dynamique quand il faisait des pulls dégueulasses. Mais bah, en même temps, tu viens de claquer X euros dans un truc qui t'apporte rien, dans un jeu numérique un peu Ouais, dégueu. Bon, bof tu veux pas de ce surjouer, quoi. truc. Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça, tu veux. Et surtout, c'est que le montage, c'est très chiant à faire. Ah bon, bah après, moi, c'est carrément mon métier vraiment de Ah base, ouais, le montage, donc. non, moi, pas vraiment ça, mais c'est vrai que quand je dois faire un truc qui doit être monté, le montage, c'est la partie, je fais. Oui, non, Ça mais me c'est ça. nerve. C'est ça, mais après, bon, c'est C'est des le trucs jeu. à prendre, mais sur l'unicité, il y a beaucoup trop de gens, je trouve. Il y avait beaucoup de gens, aujourd'hui un peu moins, qui s'appuyaient trop sur le montage pour se dire l'important, c'est que la forme y passe, quoi. Oui, non, bah c'est ça. C'est, je trouve ça, c'est, je suis content qu'on ait quelque chose beaucoup plus pur, beaucoup plus talk et quasiment plus monté en fait à quelque chose près pour avoir en fait juste du presque du vocal et du fond quoi. Et ça c'est cool. YouTube redevient un site de podcast. Bah, c'est YouTube redevient un site de podcast. Hein, c'est ça, c'est même sûr et certain. Et finalement, bah, le podcast audio, c'est un peu juste que les gens en ont marre d'avoir un montage de ouf et veulent se poser sur des formats. Je pense aussi. Et en tout cas, moi, c'est pour ça aussi que j'ai été me diriger vers le podcast parce que pas forcément YouTube m'ennuyait, mais les formats très dynamiques me parlaient plus, en tout cas, ça c'est sûr. Pour dériver un peu et revenir recentrer, même plutôt, moi j'aimerais savoir comment finalement toi tu t'es repenché finalement bah, sur ces segments très précis du manga, bah, c'est les ventes, les chiffres de vente, parce que c'est quand même quelque chose qui est pas tant répandu, un peu plus maintenant avec du coup Internet, hein, évidemment, les réseaux sociaux où on a facilement les chiffres de vente. Comment toi tu t'es dit. Bah en fait, je vais me focaliser là-dessus. Comment c'est arrivé là-dedans, quoi? Bah, au départ, c'est. Bah, je pense qu'au départ, c'était pas du tout ça. Hein. Oui, bah oui. Vraiment, j'ai commencé à lire. Bah, pour resituer un peu, moi, du coup, je suis né au début des années 2000. Donc, vraiment, les premiers moments où j'ai vraiment commencé à lire du manga, c'était, on va dire, aux alentours du début des années 2010. Donc, il y avait quand même déjà un peu une communauté sur Internet. Il y avait déjà un beau pic aussi, même dans les librairies. Enfin, le manga était Voilà, plus trempe de niche que ça, entre guillemets, quoi. c'était déjà démocratisé. C'était pas non plus l'époque où pas non plus dire d'autres choses qu'on ne connaît pas, mais disons qu'au début, moi j'ai commencé à faire ça, et à force de lire, je me suis dit, putain, mais comment ça se fait un manga, comment ça arrive, et comment tu fais ça, comment ça marche et tout. Donc c'est vraiment par envie de me documenter que j'ai commencé à rechercher, à rechercher, à rechercher. Et après, forcément, en recherche, moi aussi je grandissais, donc j'avais un peu plus d'accès à Internet. Ouais. Et je suis fini par tomber sur un forum qui parle de chiffres de vente au Japon, tout ça, Oricon, et j'ai commencé à faire des recherches. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à rechercher. Au début, forcément, j'y comprenais rien, Oui, bah évidemment. comme tout le monde au départ. Je voyais pourquoi il y a 14 chiffres après la virgule, ça et tout. Et à force de rechercher, j'ai fait, bah, j'ai forcément, j'ai assimilé. Je me suis dit, ah ouais, ça, à ce moment-là, ça vendait bien, là, c'était ça. Et au final, c'est vraiment comme ça que je me suis dit, purée, mais c'est vraiment super intéressant et peut-être que je devrais essayer moi aussi d'en parler. J'avais toujours eu cette envie un peu d'essayer de parler un peu de ça aussi. On m'a toujours dit que j'arrivais toujours très bien à expliquer. Hein. J'étais le genre d'élève qui m'aimait bien faire des exposés en primaire, par exemple. Yes. Mais du coup, vraiment, c'est à force de ça, je me suis dit, purée, mais il y a trop de gens qui, je dirais, qui n'ont pas vraiment cette connaissance d'ensemble. Je me suis dit peut-être que je peux essayer. Il y avait aussi d'autres gens qui faisaient ça avant. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Il y a notamment Oui, des non. gens que je respecte beaucoup, beaucoup le travail qui l'ont fait avant moi. Et je me suis dit peut-être que je peux essayer moi aussi d'apporter ma pierre là-dessus pour que les gens déjà comprennent ça et que surtout qu'on essaye, hein, qu'on dissipe un peu cette espèce de, je dirais, de brume qu'il y a ça. Parce qu'il y avait toujours beaucoup d'a priori par rapport à ça. Même surtout en France, on a beaucoup moins de visibilité en France, mais ça commence et j'essaye de chercher un peu partout pour proposer tout ce que je peux trouver. Mais vraiment, ça a commencé au Japon et je trouve vraiment que c'est une chose qu'il faut faire d'essayer de démocratiser ça et j'espère que je peux y contribuer aussi, quoi. C'est Non, bah, vraiment parti. Moi, je trouve que c'est hyper important parce que bah, ça reste des produits culturels et la culture, c'est du marketing énormément, encore plus aujourd'hui. Et que bah, si un manga se... Pourquoi un manga marche? C'est parce qu'il se vend et il se vend et donc il marche. Il y a un peu un système de serpent qui se mord la queue. Et c'est important aussi de connaître un peu ce marché, mais en tant que lecteur un peu banal, pour savoir un peu dans quoi on participe. Parce qu'il y a l'acte d'achat qui est important, quoi. Faut. Ouais, c'est. J'en parlais avec quelqu'un, tout ça. C'est... Il m'a dit. Ouais, il y a un engrenage, mais il faut comprendre pourquoi il marche et dans quoi, quoi. C'est, faut vraiment pas juste comprendre le fait que c'est tu récupères ton livre à la librairie en l'achetant. Faut comprendre tout ce qu'il y a derrière et ce que ça provoque ton achat aussi. Mais ça, c'est pour ça qu'on parle d'industrie du livre et d'industrie du manga. C'est ce que le terme industrie qui est hyper important, quoi. Et surtout aussi par rapport notamment ces dernières années qui ont été particulièrement prolifiques, qu'on parle énormément d'à quel point ça impacte le marché intégralement. Oui. Pas juste les éditeurs ou les libraires qui vendent les trucs. Évidemment, parce qu'en plus, le manga, il a la culture du produit dérivé autour qui gravite beaucoup, outre anime, etc. Évidemment. Donc c'est, il y a la culture déjà aussi de l'animation. Aussi, tout ce voilà, ça, évidemment, on va en revenir. C'est, bah, justement, on va y venir même tout de suite. Tiens, tu me tends une belle perche. C'est que bah, y a ces histoires d'anime boost liées à tout ça, sur lequel je trouve que ces dernières années, peut-être beaucoup d'éditeurs capitalisent dessus. À raison, à tort, je laisse chacun faire son avis. Mais on a, je pense que, alors tu me donneras sûrement raison ou tort, que c'est sûrement bah, Kimetsu, l'explosion de Kimetsu, peut-être que les gens ne s'attendaient peut-être pas autant avec son anime, qui a peut-être poussé un peu encore plus vite, évidemment, parce qu'il y en a eu avant, hein, les animes fleuves et tout, ça existe pour vendre des mangas, des choses du genre. Mais un tel pic de boost avec Kimetsu, c'était quasiment à ce point-là du jamais vu. Et surtout, qui a fait durer Kimetsu même après la fin de son anime, ce que d'autres réussissent beaucoup moins bien. En boost anime, on peut parler évidemment de Jujutsu Kaisen dernièrement, Tokyo Revenger. Ouais, on surmonte plutôt l'attaque des titans. Oui, bah évidemment. On rappelle l'attaque des titans qui avait perdu, je crois, un quart de son lectorat en quelque chose comme un an, ce qui était énorme. Exactement. Et puis même à l'époque, malgré tout, on peut le nommer Souliter, hein, qui avait boosté énormément les ventes, Death Note, Bakuman, des choses du genre. Metal Alchemist Brotherhood aussi. Exactement. Voilà, enfin voilà, il y avait Blue Bucket, Break the Front. Enfin, des anime boosts, ça existe depuis allez, au moins les années 2010 et un petit peu avant également. Ah, largement, parce que quand tu. Du coup, l'Institut japonais, principalement qui dévoile tout ça, en France, ça commence un peu à arriver. Ouais. Il y a eu Etistat qui a lancé ça il y a quelques années, qui commence un peu à sortir des chiffres. Mais par exemple, au Japon, ça, ils ont vraiment commencé à être très fiables en 2008. Ouais. Et sur chaque année, il y a au moins un manga qui est là principalement parce qu'il est là, parce qu'il a été boosté par un animé, un film live. Par exemple, pour prendre le tout premier, en 2008, il y a Rookies et 20th Century Boys qui étaient en justement le classement du top 10 et qui étaient finis depuis 3 ou 5 ans pour l'un ou pour les deux, je ne sais plus exactement lequel, mais vraiment, ça montre que la culture, que cette culture au Japon était installée depuis déjà très très très longtemps. Même quand on remonte avant, il y a facile 20-30 ans. Par exemple, quand on prend je sais pas, on va dire One Piece, un peu moins de 30 ans, mais on prend One Piece au tout de ses débuts, on voit qu'après l'animé, du coup, les copies imprimées à chaque fois tome s'augmentent très vite. Donc vraiment, oui, bah, ce qui est présent déjà au Japon, parce qu'il faut dire aussi qu'au Japon, on a un peu cette image des éditeurs qui appuient énormément la com dès que quelque chose fonctionne et qui pousse au maximum. Donc je pense au fur et à mesure, ça crée un effet boule de neige. Et justement, ça commence à arriver en France petit à petit. On a forcément, je pense, pour la plupart, tous l'image de Panini Manga qui s'est servi de la déferlante qui a été Demon Slayer Kimetsu au Japon, qui s'est répercuté en France de l'animé, qui s'est dit, bah tiens, on va servir de ça pour rebondir et recommencer à faire du chiffre, ce qui a marché. Et plus dernièrement, il y a Tokyo Revengers qui, bon, je ne peux pas non plus trop donner les chiffres parce que c'est quelque chose qui doit rester, je ne peux pas non plus. Non, bah, ça bouge tellement, évidemment. Ouais. Mais clairement, au début, en France, ça patinait un peu, ça avait un peu de mal. Et là justement, depuis la diffusion de l'animé l'année dernière, ça commence vraiment à taper des gros, gros, gros, gros chiffres et c'est souvent très bien. Et là, justement, en ce moment, il y a Spy X Family aussi qui fait Après, Spy Family, c'est encore un autre domaine parce que c'est déjà un carton un peu moins en France. Mais vraiment, ça amplifie encore le truc. Et voilà, bah. J'en avais parlé parce que je me disais, bah non, mais vu que ça vient marcher avant, il va y avoir un plafond. Et en fait, non, ça continue d'augmenter. C'est ça. C'est l'un des rares qui avait quand même les millions avant Anime, hein. C'est assez rare Ouais, pour en le France, on noter. était à 1 million, je crois, de tome 6-7, un peu comme ça. C'est Donc énorme. c'est vraiment énorme, hein. Pour que les auditeurs comprennent, c'est que un manga qui vit sans son anime, encore plus en France, c'est assez rare de taper des chiffres colossaux comme ça. C'est Encore, ouais, au Japon, tout ça, au Japon, ça va à peu près, et encore. même aux USA, avec Oui. Chainsaw Man, pour eux, est un giga leader, mais au Japon, c'était un peu moins courant. Là, ça commence un peu à redevenir. Il y a forcément Spy x Family. Oui. On sait aussi à Kaiju numéro 8, récemment Dan Dadan ou Shinoko, ou des trucs un peu plus. Bon, je cherche, je ne trouve pas forcément, mais en France, c'était quand même super rare. Et les trucs qui s'imposaient vraiment, ils duraient un peu, ils restaient un peu moins sur la durée. Oui, aussi, parce que Oui. puis en France, on a beaucoup la culture anime en vrai, plus que manga, parce que nous on a eu d'abord les animes, enfin je dis nous, hein, c'était moi non plus, je n'étais pas né à l'époque, hein, pour le On a coup. une culture bien plus anime que manga Mais voilà, aussi. c'est que nous, c'est on est arrivé avec le Club d'eau, etc. Donc on n'est pas arrivé directement avec du format papier, à l'inverse, pas forcément du Japon qui lui a commencé avec ça, et donc qui avait déjà sa culture ancrée. Et Bah ouais, même faudrait que je fasse un peu des que je creuse un peu là-dessus, mais plus je regarde, plus j'ai l'impression vraiment que la culture du manga papier en France, je dirais peut-être c'est a vraiment commencé à bien s'installer peut-être après la période où il y a eu un peu le ras-le-bol à la fin du Club Dorothée, Oui, qui avait bah même le fait d'avoir du manga dans les marchands de journaux avec Dragon Ball notamment a beaucoup popularisé ça aussi également ça, malgré ouais, tout. ça. Il y a eu un essor, je dirais, un peu plus tardif du papier comme ça. Oui, bah ça arrivait après coup, hein, c'est que bah même moi c'est quand j'étais gamin, donc moi je suis de 94 du coup pour notifier un peu mon âge. Non, moi je suis Donc 2002, tu vois, comme voilà, ça. c'est donc j'ai quelques années avant. Donc moi mes premiers mangas achetés c'était Détective Conan et Yu-Gi-Oh! Donc à l'époque, Conan avait allé en France une vingtaine de tomes et Yu-Gi-Oh! N'était pas fini encore Duel Monster classique. Et on peinait un peu à en trouver. Après, c'est déjà un essor. Il y avait déjà Kana bien ancré, donc les deux chez Kana évidemment. Donc il y avait déjà ces côtés-là. Il y avait déjà eu les deuxième ou troisième édition de Dragon Ball, etc., etc. Mais évidemment, c'est qu'il n'y avait pas de boutique spécialisée. Et moi, Ouais, j'achetais moi je ça peux pas te au. dire, je suis Oui, vraiment commencé évidemment. à faire ça dans une période où c'était déjà installé, quoi. Voilà, et donc voilà, on achetait ça. Moi, j'achetais ça au Monoprix, ou déjà, après, j'ai eu Internet tôt, ou même Amazon à ses débuts, quoi. Mais voilà, Non, non, c'est moi soit je me c'était au souviens plus détour, et puis. les trucs dans les carrefours où tu te mettais, tu Yes. collectais un peu ce qu'il y avait, tout Et ça. donc voilà, donc pour revenir pour les Anime Boost, j'ai aussi cette peur de certains, peut-être. Après, il y a des éditeurs, on en reparlera, de la Shueisha, etc., etc., qui des fois peut-être misent un peu trop là-dessus. Pour effet, après évidemment déjà leur culture de faire durer les best-sellers, etc., etc. Et j'ai peur que ce soit au détriment des fois un peu de qualité, que ce soit d'une œuvre papier ou d'une œuvre animée, hein, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Ou même déjà, je me souviens, je sais pas si tu as déjà regardé Ergir l'anime, 12 épisodes, donc du manga Oh Great, donc sorti en 2006, si je dis pas de bêtises. Moi, je me souviens, c'était un grand débat quand j'étais ado sur les forums. Donc après, c'était même 4 ans, 5 ans après, encore des choses du genre. Pourquoi il n'y a pas eu de suite? Ils abusent et tout, alors que c'est trop bien. Effectivement, c'est 12 épisodes géniaux, mais ça couvre 6 tomes sur 36. Mais parce que c'est aussi cette culture en fait, on tease quelque chose. C'est vraiment une publicité de 12 épisodes, en fait. Et c'est beau, ça sur beaucoup d'animes. Moins maintenant, parce qu'on va souvent sur plusieurs saisons, et tant mieux, hein, qu'on finisse les séries. Ouais, Mais bah longtemps, pareil, c'est on pensait à bah justement, bah, je pense justement à ça, cette idée de publicité. C'est bah, JoJo's qui avait à l'époque Ah bah la évidemment. réputation d'un truc inadaptable, même qui avait failli se faire annuler au Japon. Bah Et ils avaient choisi de faire je crois que c'était des VHS pour la partie la plus populaire, je crois que c'était les OAV de Stardust c'est Crusader. ça. Bah c'est pour l'anecdote, je les ai en DVD chez moi d'ailleurs, des Ah, moi, versions AB. justement, faut que je l'arrête depuis un moment. Elles sont c'est la version française, elle est vraiment collector. Si t'as l'occasion, vraiment Ouais, Paul c'est Naref, je l'ai vu ouais. passer. Ouais ouais. Monsieur, vous me trouvez, je veux aussi des trucs comme ça, quoi. Ouais, voilà, c'est la VF, elle est vraiment collector. D'ailleurs, incroyable qu'on ait eu Jojo, ces versions-là, en VF quand même, parce que déjà au Japon, Ouais, non, c'était mais inadaptable, mais c'est fou, je quoi. me dis, mais à quel moment ils sont. C'est vraiment, je pense que c'était la période où Dorothée voyait que ça marchait, c'était. Enfin, le Bah, staff de je Dorothée crois que s'est c'était dit. déjà fini Dorothée pour cet Ah OAV de Jojo chez nous. Je crois c'est peut-être Feu Dorothée AB qui avait déjà commencé à reprendre un petit peu. Enfin, après, Ah c'est ouais, des c'est périodes tard, les compliquées. OAV de Stardust, je pense, c'est fin 90, début C'est 2000. possible, hein. C'est là, encore une fois, des sources pas vérifiées. Et pareil, on avait eu quand même Bao en VF aussi, quoi. L'OAV de Bao, on l'a en VF, et Ah ça non, n'a pas de sens, vraiment, quoi. il y a un gars qui s'est dit, je vais te raconter quelque chose. Alors que je pense que quelque chose d'aussi bizarre que Bao de nos jours, Outre Laura d'Araki, évidemment, parce qu'à l'époque, Araki, c'était personne en France, ça sort pas aujourd'hui, et encore moins en VF, même si la VF revient de plus en plus sur le devant de la scène, et pour des... c'est très bien, vraiment, c'est très très bien. Je pense qu'aujourd'hui, on a des oreilles, quoi. Ça doit être une vraie étrangeté de... Et c'est fou qu'à l'époque, alors que c'était si cher, enfin, à la fois c'était si peu cher et si cher, c'était le moment d'entre deux où ça marchait, du coup, on commençait à avoir des droits un peu plus chers. Où, ouais, on a Bao, Jojo en VF, c'est fou. Et tant mieux, hein, parce que c'est des ouais. trucs collecteurs. Après, moi, du coup, pour revenir, tu sais, sur le truc des éditeurs, yes. machin, des best-sellers et tout. Déjà, pour moi, rien que le fait que la Shueisha ait dit à Koyabu Gotoge, tu peux arrêter Demon Slayer à une époque où ça vendait du 2-3 millions par semaine. Pour moi, ça montre quand même qu'ils sont encore un peu regardants sur ça. Ouais, un minimum. Après, ils ont quand même fait un peu durer la fin de Demon Slayer. Hein. Ils ont réussi à étirer un tout petit peu, pas trop non plus, ouais, heureusement. Tu sens qu'il y a 2-3 chapitres qui sont un peu dysfonctionnels. Voilà. Oui, non, mais voilà. Après, voilà, il y en a plein qui n'aiment pas la fin de Demon Slayer, mais je veux dire, c'est le même débat sur n'importe quelle œuvre. Enfin, tu peux débattre sur tout n'importe quoi, de toute façon. Hein. Tu peux débattre sur Sangoku dans l'au-delà chez Kaio. Non, mais alors, ce que je dis, c'est n'importe quelle fin de. Encore plus, c'est les gros mangas à succès. Ouais, les fins, ça divise forcément. Hein. Alors là, c'est. Je pense qu'on est. C'est un débat éternel, en fait. Et oui, voilà, bah, on a eu pareil sur SNK assez récemment. On aura pareil sur One Piece. Ah, bah non, mais One Piece, je crois que ça va être le pire, parce que ça fait vraiment. C'est sur, à cause de la durée notamment hein, c'est... Bah ça fait 25 ans on a fêté les 25 ans. Alors je sais plus si c'est anime ou manga qu'on est les 25 ans, mais il y a eu tout le truc avec, je crois c'est le manga 25. Mais c'est fort probable. Mais c'est ouais, ça va être compliqué à la fin avec les réseaux sociaux. Je pense que ça va être très dur à vivre là-dessus. Ouais, après pour la France, niveau des trucs qui il y a eu gros best-sellers, je pense aussi qu'il y a eu forcément cette petite période de ouais, ça augmente super vite. On sort un peu, il suffit de voir les chiffres, 2020, on est sur du, je crois, 20, 22 millions, 25. 2021, on approche des 50, donc il y a quand même un gros x2. Et il y a eu notamment des grosses sorties de mangas qui se sont déjà installées dans les meilleurs démarrages. Il y a Mashal qui a fait un très très bon démarrage, mais qui, justement, c'est un peu le contre-coup, qui galère un peu à vraiment bien bien progresser. Ouais. Il y a Kaiju numéro 8 qui a été le meilleur démarrage de l'histoire du marché. Et qui a drop quasiment dès le troisième tome derrière. C'est pas vraiment un drop, c'est juste que ça progresse pas. Ça progresse pas. Et plus récemment, bon, lui il est vraiment très récent, donc on pourra attendre la suite. Il y a eu Frieren aussi qui a fait le meilleur démarrage de Kiyun. Et ça aussi, c'est un cas de manga qui s'impose sans animé, que ce soit au Japon ou en France. Oui. Donc à voir aussi si lui aussi il va subir le même destin des gros best-sellers d'entrée ou. Parce que je trouve que même encore en France, on reste sur un marché qui se satisfait plus quand tu commences peut-être de plus bas, mais que tu restes sur une courbe croissante. Bah c'est mieux, PPM pour les éditeurs, c'est moins casse-gueule, quoi, c'est sûr. C'est en plus, parce que t'as pas des attentes à revoir à la baisse, de te dire ouais, je pars super haut, mais peut-être que je vais pas monter après. Bah c'est pour l'exemple est très bien de Mashal, c'est que au contrario de Kaiju et de Frieren, où il y a eu une énorme campagne de com, des impressions de premier tome énormes en quantité quand même. Ouais, Mashal a fait un bon démarrage, mais sur les semaines suivantes, c'est pas dire. Parce que Mashal, personnellement, c'est donc moi je me fournis en boutique spécialisée, j'arrive à ma boutique jour de sortie, et bah il y avait plus aucun tome 1 de Mashal, il restait 2-3 tomes 2. Et c'est pour dire à quel point il y avait eu un peu de com, mais pas. Il y avait un vrai engouement. Et c'était assez impressionnant parce que lui, pour le coup, il y a eu un peu moins de com quand même de la part de Kaze, surtout en comparaison, voilà, même éditeur Keiju No. 8 avec les. Keiju sur la BNF. Là, voilà, c'est ça, les vraiment un truc énorme. Mashal, c'était un peu. Alors, pas confidentiel, hein, faut pas déconner. Hein, mais voilà, bah, ça tournait surtout autour du Kick Press, j'ai l'impression. Il y a eu ça, il y a eu des vidéos sur YouTube. Ouais, puis encore le. Oui, voilà, il y a eu beaucoup, peut-être un peu plus d'influenceurs qu'on jouait. Après Keiju, il y a eu des sacrés Kick Press aussi. Keiju, il y a eu des gros. Il y a eu des grosses engueulades aussi. Oui, non, bah après, voilà, les débats des Kick Press sur Twitter. Il y en a chaque fois, de toute façon. Non, mais puis c'est. Quand même, ça débat surtout n'importe quoi, ça gueule. Non, la jalousie des réseaux sociaux, c'est nous, on a, même nous qui sont avant une communauté plutôt cool, nous, on reçoit des jeux d'éditeurs pour les tester comme un média un peu classique, hein. Et on se fait engueuler parce que des fois, on paye pas nos jeux. Je fais, bah, dans ce cas, on va pas en parler aussi. Hein. Et pourtant, on parle aussi de jeux qu'on paye, hein, donc ça veut rien dire. Hein. Mais voilà, ouais, c'est pareil, je reçois quelques trucs, pareil. Non, j'avais reçu pour justement pour la sortie du manga dont je suis connu pour être le plus gros casse-couille de l'histoire. Mais on va en parler, évidemment. Pour Netherlux, j'avais reçu quelques trucs. D'ailleurs, j'avais reçu quelques trucs et je reçois la notif qu'on me dit ouais, c'est arrivé. J'étais dans le train en train d'aller en vacances. Du coup, j'ai dû attendre quelque chose comme 15-16 jours. Et bah non, mais c'est, du coup, c'est, t'as forcément cette espèce de. Tu fais un truc, t'as de la reconnaissance qui est pas forcément. Forcément, ça dépend de toi, parce que si forcément tu vas toi-même vers les éditeurs, t'as une démarche qui est super intéressée et jamais ça passera. Et bah, du coup, forcément, après, ça crée un peu un espèce de cercle mi-virtueux, mi-vicieux, où les gens te disent, ouais, Non, mais après, évidemment, c'est pareil. le monde Après, des honnêtement, influences. il y en a certains qui vendent l'équipe presse comme des trucs où tu trouves bons et merveilles. Généralement, tu as un papier qui décrit la Oui. série Ah non, mais oui. et un C'est. petit goodies, peut-être, un petit Ouais, et portrait, un petit encore. machin. T'as pas les grosses figurines, je sais pas, t'as pas des grosses figurines de mettre de haut, ou des trucs Ouais, comme ça, non. c'est méga rare. Et encore, si y en a, c'est qu'il y en a 10 exemplaires pour vraiment les méga rostas. Genre Kaiju, il y avait eu certains packs avec les armes, je crois, si j'ai pas de Non, bêtises. c'était les PLV, je crois. Il y avait juste les PLV, parce que, alors je sais plus quel kit presse, c'était peut-être pas manga, c'était je contacte jeux vidéo, voilà, on a eu des répliques d'armes, mais ouais, c'était Ouais, 10 surtout que influenceurs. les petites presses jeux vidéo sont souvent plus quali, Bah dire que les. c'est un peu plus ancré Un peu aussi plus les kit presse ancré, jeux mais du vidéo. coup aussi j'ai l'impression que ça le montre un peu moins. Je pense que les Parce que petits. c'est habituel, maintenant les kit presse, Ouais, parce que voilà, pareil, c'est c'est comme les habituel. soirées presse, et choses du Maintenant, genre. là où t'as des trucs comme ça. Après, j'ai vu aussi que ça commençait un peu à. Enfin, que ça commençait, mais qu'il y avait eu quelques trucs par rapport, je crois, où c'était sur des soirées presse, le truc de lancement, tout ça et tout. Où ils invitaient tout. J'avais vu que ça avait un peu râlé par rapport, je crois que c'était celle de Shangri-La Frontière. Ouais. Où il y avait des gros trucs de VR et tout comme ça, et ça. Et ça avait un peu râlé. Moi, je dis honnêtement, c'est quelque chose qui est là, hein, qui fait un peu partie de la vie de la chose. Et. Ouais, et puis c'est normal. Et en fait, c'est que pour Ah, c'est comparer ça, quoi. aux jeux vidéo, parce que je pense que le manga, peut-être un public, en tout cas une majorité de public, peut-être un peu plus jeune en quantité que le jeu vidéo. On va peut-être facilement aller à du trentenaire maintenant, même s'il y a énormément de jeunes, évidemment. Alors là, c'est juste qu'on va peut-être aller un peu plus loin, vu que c'est un média un peu plus vieux. Alors que là, en tout cas, l'anime, et en tout cas la partie visible de l'iceberg de la communauté, en tout cas manga anime, est peut-être plus jeune, on va dire 25 ans et moins. Et du coup, va peut-être moins habitué à ces codes. Parce que du coup, nous, on vient un petit peu aussi du monde du jeu vidéo. Là, dans le podcast, on a beaucoup bossé sur un site de jeux vidéo avant de faire le podcast. Donc, on a fait énormément de soirées presse, jeux vidéo, même un peu manga déjà à l'époque. On se fait déjà un peu du manga, on a des gros partenariats. Et kit presse jeux vidéo etc, etc. Mais même pas un truc énorme hein. Kit presse pareil c'est des bouts de papier des bouts de PLV qui traînaient et on n'avait jamais eu ce problème là où là où du coup on a un peu plus de trucs aussi des fois un peu manga les soirées presse manga où c'est comme si vu que c'est nouveau enfin nouveau c'est plus déjà popularisé maintenant dans ce médium les gens se disent ah putain etc et surtout il y a beaucoup la culture de pourquoi eux et pas moi qui revient beaucoup au galop. Ou même avant, finalement, on glorifiait un peu tout ce qui était testeur, il n'y avait pas le terme influenceur, mais du coup, c'est déjà des influenceurs finalement à l'époque. Créateur de contenu, tu Voilà, sais. créateur de contenu. Hein. Et maintenant, c'est que après, tu peux être influenceur sans être créateur de contenu. Hein. Ouais, c'est que le truc, c'est que bah, pour reprendre un autre média où c'est encore plus installé, bah, tout ce qui est cinéma aussi, Oui, c'est évidemment. très Ah, bah, évidemment. installé. Mais ouais, vraiment, dans tout ce qui est actuel, t'as plus vraiment. Encore, enfin, jeux vidéo, t'as tout ce truc de si je veux vraiment être vraiment mince là-dedans, faut que j'aille les contacts, exemple, dans une boîte, dans une grosse boîte, style les gros sites de jeux vidéo. Cinéma, t'as encore plus ça, hein, parce que Ouais. forcément, c'est une barrière qui est encore plus présente. Et je dirais que vraiment, que tout ce qui est manga, qui a un média qui s'ancre, un art, un média qui s'ancre vachement sur la culture populaire, Oui. t'as pas encore, voire même t'auras pas du tout, cette espèce de barrière entre celui qui fait, enfin, tout ce qui est critique, même diffusion, bah, tout ce qui est dans le sens de l'industrie, ce qui inspire aussi les gens qui vont critiquer, présenter ça derrière, qui vont faire un peu la communication. Et on va dire du coup justement le reste. Il n'y a pas encore cette barrière. Ce qui n'est pas forcément encore une mauvaise chose, mais ce qui n'est pas se dire de à régler ce problème aussi. Non, voilà, après, voilà, c'est toujours le cercle d'Internet aussi. Hein. Puis Internet, plus on avance, moins il y a de barrières entre créateurs de contenu. Tout le monde peut être créateur de contenu, et tant mieux, ça c'est très très bien. Mais voilà, c'est qu'il faut aussi apprendre à la fois les grands influenceurs peut-être à être moins pédants, et aussi à les consommateurs, entre guillemets, à être moins sur la défensive et moins sur l'agressivité. Je pense qu'il y a un travail de tous les côtés pour que tout le monde se passe mieux, et puis pas Moment de écouter trop. compréhension. Voilà, c'est un moment de compréhension, et je pense qu'on va, j'esp en tout cas, j'espère qu'on va vers le mieux. Moi, c'est tout ce que je souhaite là-dessus. On va essayer de recentrer parce qu'on a, on avance et le temps passe. On a un peu dérivé, on a un peu dérivé. Ah, mais moi, c'est ce que je voulais, ça tombe bien. Parce qu'il y a un gros sujet que j'aimerais aborder sur la fin, mais avant ça, j'aimerais qu'on se concentre un peu sur toi. J'aimerais qu'on fasse un peu la, en fait, un peu la chronologie des œuvres qui t'ont marqué dans ta vie, hein, que ce soit même si c'est du jeu vidéo ou des choses, tout ça, tout ça. J'aimerais d'abord que tu me parles en fait, de la première, finalement, œuvre, que ce soit anime ou manga, aussi loin que tu te souviennes que tu aurais consommé, en tout cas. Alors, je vais passer très vite dessus parce que forcément, c'est un très gros classique. Forcément, c'est Dragon Ball. Oui, là, bon, c'est, vraiment, après, c'est pas la première offre que j'ai vraiment que j'ai entre les mains. J'ai des vieux souvenirs de moi qui allume la DS de mon père et qui joue à Mario Kart, à Mario Bros. Yes. Je me rappelle Dragon Ball. Justement, c'est une anecdote que j'aime beaucoup raconter, parce qu'elle m'a fait toujours très rire. Je devais avoir 4 ou 5 ans et mon père me dit « Ouais, bon, bah, tiens, un film de Dragon Ball, je t'avais montré quelques épisodes et tout. » Je sais plus c'était quel tome, mais c'était le truc où il y avait encore ce truc de « Ah, mais attention, les mangas, ça s'y est à l'envers. Ouais, » Faire attention. Ouais. Et moi, instinctivement, je le prends dans le bon sens, du coup, le sens envers par rapport au truc de base. Et j'entends mon père qui parle à ma mère dans la cuisine, quelques pièces à côté, il n'y avait pas de planche, je s'entendais. Et ma mère qui fait « Ouais, mais tu penses qu'il va savoir qu'il faut lire à l'envers par rapport au sens normal ?» Parce que moi, j'étais habitué au livre d'enfant, quoi que ce soit. Normal, ouais. Et du coup, instinctivement, je me fais « Ah, mais il faut vraiment lire à l'envers, dans le sens, pas la couverture, mais vraiment à la fin. » Donc, je l'avais pris dans le bon sens et je le remets volontairement à l'envers pour commencer par la fin. Et du coup, j'ai fait cette erreur classique, mais vraiment de mon plein gré. Non, mais j'ai eu le pareil, moi, donc tome. En plus, j'ai commencé par le tome 3 de Yu-Gi-Oh!, mais pas le tome 1, parce que c'était gamin, tu prends le premier qui passe dans le rayon, et moi, je regardais du coup Yu-Gi-Oh!, évidemment, dessin animé à la télé. Et moi, c'est pareil, c'est que. Et en fait, je vois qu'on peut le lire à l'envers, je vois, c'est écrit, attention, ça se lit à l'envers. Mais moi, mon réflexe, c'était en mode, je dis à ma mère, putain, c'est trop intelligent, on peut le lire dans les deux sens. Je dis, mais aucun sens, bah non, tu le lis dans un seul sens, parce que dans l'autre sens, l'histoire n'a pas du tout de sens. L'histoire, elle commence elle se finit au milieu, après elle remonte en arrière. Ouais, non, mais pas de sens, mais voilà, c'est normal, et en même temps, c'est, non, mais c'est pas notre sens de lecture. Après, depuis quelques années, enfin, depuis quelques temps, maintenant, c'est vachement plus... Moi aussi, parce que le manga, l'ouvrage manga en sens japonais, c'est quelque chose qui se démocratise bien. Ah ouais, oui, clairement, ça, maintenant, je pense... C'est comme, après c'est des choses un peu de boomer qu'on va dire, hein, mais c'est comme les nouvelles technologies type iPad et tout. Oui, c'est voilà. C'est des choses que n'importe quel enfant arrive à utiliser sans prérogation avant. Et, ouais, pour le jeu et vidéo, c'est normal. Hein. Par rapport à 30, 40 évidemment. Ans, chaque enfant, chaque personne, c'est manipuler une manette. Après, moi personnellement, vraiment les œuvres qui m'ont beaucoup marqué, en manga, je dirais déjà Fullmetal Alchemist et Bakuman. Ouais. Yes. Ce sont les deux premiers mangas que j'ai vraiment lus, on va dire intégralement, et qui faisaient partie de ma collection. Ouais. Moi, du coup, mes parents ont grandi avec le Club Dorothée. Ouais, donc ils avaient un backlog. Ils m'ont légué des Dr. Slump, beaucoup de Akira Toriyama. Mon père est un très très gros fan d'Akira Toriyama. Ma mère est une très très gros fan de Rumiko Takahashi aussi. Ah. Et, du coup, ils m'ont légué tout ça et trucs. Mais vraiment, Fullmetal Alchemist et Bakuman, on va dire, c'est mes premiers vrais mangas à moi. Ouais. Et du coup, c'est eux que j'ai lus comme ça. Et justement, tout ce qui est ce côté un peu comment ça marche le manga, tout ça, c'est parti de Bakuman. Bah, on est d'accord, parce que moi j'ai la même histoire avec Bakuman. Pareil, moi je suis un énorme fan de Bakuman, c'est vraiment un de mes mangas favoris. C'est pareil, moi c'est. Et déjà, Obata, c'est des très grands mangaka tous les deux, même si je suis un peu moins fan de Death Note et encore moins de Platinum End derrière. C'est pareil, moi pour moi Bakuman c'est. Bakuman pour moi c'est leur œuvre la plus parfaite. J'aime beaucoup Death Note, surtout sa première partie, celle avec. Oui, et surtout le manga en vrai. Et surtout le manga aussi, surtout en vrai. Mais Bakuman, du coup. J'ai pas du tout aimé. Ouais, voilà. Et c'est rigolo, Bakuman, on en a parlé parce qu'on a fait un épisode sur le Shonen Jump. C'est le troisième épisode du podcast. Avec, je sais pas si tu connais, c'est Amo, qui est pareil, un créateur de contenu très présent sur Twitter. Néon Vert Ouais, exactement. Néon Vert. Tu sais comment on vend les épisodes. Hein. Ah, bah, et donc Amo, hein, quelqu'un qui est, du coup, tu connais, qui est très très intéressant et très très passionné. Et qui, pareil, comme moi et comme des autres présents, s'était mis cet amour du Shonen Jump via Bakuman et de comment, en fait, finalement, comment c'est fait. Et c'est fou à quel point un manga peut être aussi précis, aussi critique sur son propre magazine. Ouais, t'as tout un passage, t'as tout l'arc autour quand il est à l'hôpital, t'as tous les passages avec la pression et tout. Et ça, on moi, justement, ouais, c'est ça, Bakuman, tout ça, c'est ce qui a provoqué, moi, du coup, un peu à terme, cet intérêt pour tout ce qui est le passage, enfin, tout ce qui est justement l'Oricon, les chiffres de et tout. Ouais, ce qui est très paradoxal, sachant qu'à la base, j'ai relu Bakuman récemment. Ouais. Et du coup, à la base, ils abordent les chiffres de vente, je crois que deux ou trois fois dans l'œuvre. Ouais, c'est très peu, très peu. Je crois qu'ils l'abordent quand ils font leur premier manga, qu'ils disent, ouais, tu sais, quand il y a quand ils sont tous ensemble, ouais. Quand ils lancent toutes leurs séries en même temps. C'est ça, qu'il y a 3, 4 nouvelles séries d'un coup. Ouais, et qu'ils comparent les classements, les ventes. Et à la fin, quand ils font le duel entre oui. Le dernier manga d'Ashirogi et le truc sur les zombies de, ouais. De Jin Izuma, et qu'ils essayent à tout prix de passer devant, que ce soit classement et vente, de souvenir, c'est les deux seuls passages où c'est vraiment abordé, et en y repensant, je me dis, c'est quand même dingue. Bah, on en parlait un tout petit peu, tu sais, dans la première soirée presse de PCP aussi, de tête. Oui, voilà, je crois qu'il y a... Mais voilà, c'est très très précis, quoi. Ouais, il parle de ça, mais c'est vraiment des trucs abordés comme ça. Alors que je suis sûr que Bakuman sortirait maintenant, on parlerait beaucoup plus de chiffres en vrai, de ventes. On a beaucoup plus de vision là-dessus. Bah pareil, finalement on en parlait un petit peu aussi dans Ghost Rider Paradox, enfin Feu Ghost Rider Paradox, qui avait abordé à pas mal aussi ce sujet, malgré toute la polémique qu'il y a eu autour et son... Ouais, son bah même, il y avait l'éditeur, je crois, de One Piece. Oui. Justement, c'était la première année où One Piece n'était pas en tête des ventes depuis qu'Oricon faisait ses classements. Et il avait dit non, mais c'est quand même One Piece qui est premier avec 12 millions, Demon Slayer deuxième avec 10 millions. Et ça avait fait un peu une espèce de, on va dire, un peu de bagarre. C'était quand même assez enfantin. Oui. Parce que vraiment, c'était la première fois que vraiment quelqu'un de Shueisha directement prenait les chiffres actuellement d'Oricon pour dire non, c'est ça. Et au final, il s'est dit non, c'est l'inverse. Et c'était Oricon qui avait pour le coup raison. Donc du coup, c'est vraiment, il y a eu un espèce d'entremêlement depuis, et Bakuman, je pense, était précurseur pour ça, ou même toutes les personnes qui parlent du jump sur internet aujourd'hui. Oui. Bakuman est parti. Je pense que Bakuman a une part importante là-dedans. Bakuman, je pense qu'a créé aussi beaucoup de vocations, etc. Et surtout, c'est qu'il a quand même réussi à casser un peu ce mythe aussi même du mangaka, où on n'osait pas trop parler de plein de choses. Et c'est fort que ce soit dans le Jump, qui est finalement peut-être le magnet de prépublication le plus codifié, etc. Et c'est fort d'auto. En plus d'avoir laissé 60 ans de liberté au Obata, qui aurait pu juste être méga lisse en mode de tout est beau, tout est propre. Et finalement, non, et ça, c'est cool quand même. Bakuman, c'est ça qui est fort, c'est vraiment de pouvoir autant pouvoir critiquer ton patron, quoi, en fait. Alors qu'il sortait de Death Note, qui a été l'un des succès les plus précoces de l'histoire. Bah oui, c'est clair et net. Et là-dessus, bah, c'est parce que c'est au Baobata qu'ils ont pu le faire, je pense. Mais là, pour le coup, la Shueisha, ils ont réussi à porter leur. Ils ont serré les dents, ils y sont allés jusqu'au bout, ils se sont dit, on va espérer qu'ils sortent pas de trop de trucs. Ouais, voilà. Bah après, évidemment, l'éditeur est toujours derrière à vérifier, mais ils ont quand même. Enfin, j'aimerais savoir s'ils voulaient aller encore plus loin, évidemment, mais on a déjà pas mal de bonnes choses. Ouais, après je pense sur la fin aussi, ils ont dit lâchez-vous un peu pour terminer. Hein, le passage sur les mangas qui avec les réseaux sociaux et tout, je pense. Oui, que bon. Évidemment. Ouais, et du coup, pour revenir du coup, sur les œuvres qui m'ont un peu comme ça. Après, je vais pas trop rentrer dans le personnel, mais j'ai eu un peu une période à vide. Et du coup, après, vraiment, pour moi, les deux œuvres qui m'ont vraiment un peu, celle qui m'a vraiment un peu fait retoucher tout ça, c'est My Hero Academia. C'est une œuvre qu'au final, je tiens pas vraiment dans mon cœur, parce que depuis, ma vision a un peu changé sur ça. Mais vraiment, c'est l'œuvre qui m'a fait, on va dire, retoucher tout ce qui est touché à l'œuvre, tout ce qui est animation japonaise et même un peu jeu vidéo en soi. Ouais. Et pour moi, vraiment, l'œuvre qui a enterré tout ça et que je considère aussi encore aujourd'hui comme l'un des plus gros bijoux auquel j'ai pu jouer, bah, c'est Okami, que j'ai découvert très, très tard. Très, très grand jeu. Très, très, très, très grand jeu. Okami, j'ai enchaîné. C'était la fin d'année 2016. J'avais retrouvé la PS2 de mon père. J'avais enchaîné en l'espace de 2-3 mois Okami et Shadow of the Colossus. Ah, bah, deux grands jeux. Là, j'étais. Okami, très, très grand jeu. Ok, vas-y, je vais là-bas et j'y vais. Ah non, j'ai Okami, enchaîné Okami très, très, très grand et jeu. Shadow of the Colossus, que je considère comme des deux plus grands jeux de l'histoire auxquels j'ai pu jouer. Et du coup, je sors parfois avec des amis. Pour moi, les deux plus grands jeux de l'histoire, c'est des jeux qui ne sont pas sortis sur console Nintendo, alors que j'étais élevé justement à ça. Bon, après, ils sont sortis derrière sur Wii. Ils sont sortis après, mais vraiment, moi, je les ai découverts initialement PS2, Je les ai découverts sur PS2, qui est une console justement que j'aime énormément. Rien pour ces deux jeux. Très grande console. Sans PS2, je pense qu'on ne sera pas les seuls à dire que c'est une grande console. Hein, de toute façon, c'est une très grande console aussi, mais bon, on va pas non plus refaire tout le monde. Mais ah non, mais on fera l'épisode 2 au pire. Ouais. Évidemment. Épisode 2 sur la PS2. Moi, je prends tout. Mais moi, j'avoue qu'il y avait une œuvre sur laquelle je voulais t'emmener. Parce que moi, je partage énormément de choses avec ça. Bah, c'est Reborn. Ah, Reborn, oui. Moi, Reborn, c'est. J'ai grandi avec Reborn, honnêtement. C'est mon manga préféré. Ah ouais? Bon, c'est un manga que je trouve incroyable. J'ai commencé, en fait, c'est du scan numéro 1 en 2003, à l'épisode numéro 1 en 2006, jusqu'à la fin pendant 9 ans. Donc moi, j'ai fait de mes 9 à 18 ans chaque semaine Reborn, quoi. Et j'ai grandi avec ça. Et ça m'avait tiqué quand j'ai vu que bah, toi aussi, tu partageais un peu cet amour de Reborn. Ouais, et justement, mon pseudo ne vient pas d'Akira. Et, oui. Et il vient d'où, du coup, ton pseudo? Alors, j'ai un peu... C'est vraiment quelque chose qui est parti de loin, mais je sais que le Hama, ouais. Le nom, j'ai oublié, mais je sais que le Hama, ça venait avec un pote avec qui je voulais faire un truc comme ça sur Internet. Et du coup, j'étais dans ma grosse période Okami. Et du coup, ouais. J'ai pris le Hama de Amaterasu, ouais. Et le reste, le nom, je sais plus d'où il vient. Bon, après, le Hama vient de là, le nom, je ne sais pas. Eh bah, très bien, très bien. Mais ouais, Reborn... Et justement, c'est que à cette époque-là, j'étais déjà fan de Reborn, mais je ne savais pas que la mangaka s'appelait Akira Amano. Évidemment, j'ai appris ça plus tard, putain, c'est dingue la coïncidence. Mais ouais, vraiment, Reborn, moi, c'est une œuvre avec laquelle j'ai surtout passé mon collège avec Reborn. Ouais. Et je suis rentré au collège, je crois, 2013-2014, donc c'est un... environ à la fin du manga. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'ai passé mon collège avec Reborn. Au début, bon, forcément, c'est des trucs comiques, etc. C'est rigolo. Tire une balle, il se retrouve en slibard, il fait des trucs. Le début est très décrié. Hein. Moi, c'est, dès que je joue en Reborn, on me dit toujours, mais le début, c'est nul. Et c'est vrai que c'est longuet. Hein. Moi, moi, j'aime beaucoup ça. Moi, je suis pas objectif. J'aime beaucoup le début, mais c'est vrai que tu te dis que sur 42 tomes, on te décrit comme un gros Jushonen Neketsu avec des gros trucs. Ce qui est très vrai. Hein. L'arc, les artistes dans le futur, les trucs avec le roman, c'est exceptionnel. L'arc de la Varia, c'est mon arc de Shonen préféré de tous les temps. C'est incroyable. En plus, Akira Amano, mais qu'est-ce qu'il dessine bien. Ah, mais son chara-design et ses planches, enfin, c'est fou. Moi, il y a deux auteurs que j'aime énormément, vraiment en dessin pur, c'est Akira Amano et Atsushi Okubo, qui sont, je trouve, incroyables les deux. D'ailleurs, en parlant d'Akira Amano, t'as pu tester son nouveau manga sur le truc du détective? Run Kobayashi Strange Detective. Ouais, bah, je suis à jour, c'est incroyable. Alors, très décrié. J'aime beaucoup aussi. Je m'attrape un peu, mais j'avais lu, je crois, les 30-40. C'est très, très bien. Il y a des plot twists très invraisemblables que j'aime beaucoup, j'avoue, c'est très cool. Et j'avais déjà beaucoup aimé Endlave, son web manga juste après Reborn, qui était assez cool. Il y avait eu un Noave crossover d'ailleurs qui était assez cool. Ouais. Et pareil, Psychopass, bon, là que pour le character design, hein, mais alors Psychopass. Ouais, justement, l'un des ouvrages que j'aime le plus dans ma manga tech, c'est que j'ai réussi à trouver un artbook japonais d'Akira Amano. Ah, très très bon ça. Petit format en Kobon, il est magnifique. Ah, mais incroyable. Mais ouais, Ron Kamonohashi, c'est très très cool aussi. C'est très très bien. Ouais. J'ai un peu lâché depuis quelques temps, faudrait que je reprenne. Que j'ai quand même espoir que ça arrive en France parce que c'est. J'ai pas trop fait l'anglais, mais c'est. Ouais, mais tu vois, après, c'est Reborn, c'est quand même. Moi, quand j'en parle maintenant, mais avec des gens tu vois, qui ont ton âge. Ouais, mon âge. Un peu l'esprit du Malène de Proust. Et puis l'anime, malgré tout, il a commencé à vieillir. Le manga il vieillit pas, mais voilà, faut quand même y aller. C'est pas, enfin, moi, dans ma boutique, faut que je commande Reborn. Si je veux acheter des Reborn, ils l'ont plus en rayon comme ça à choper, tu vois. C'est pareil, moi j'ai commencé à me les récupérer. Là, je suis coincé avec les 10 premiers. C'est dommage. Et pourtant, il y a Aden qui avait commencé à les remettre par vague et tout. Ça avait repris un petit peu. Vraiment, c'est la licence qui mériterait un gros coup de. Mais surtout qu'on n'a jamais eu les deux derniers arcs en anime. Donc là, on voit Bleach qui revient pour la fin. Il y a des rumeurs de Soul Eater, de choses du genre. Bah, les gars, Reborn, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est. Soul Eater, il y a des comptes Twitter qui font des décomptes de jours. Oui, ils ont bien raison. Hein. Je vois des days 3192. Non, c'est ça, ils ont bien raison. Et en vrai, Reborn, il y avait eu il y a pas si longtemps un tweet d'Akira Amano qui teasait un peu de trucs d'anime, de retour de Reborn. Et on a justement, je crois qu'il prépare un truc au Japon. Ouais, donc. Juillet, donc. J'espère que c'est pas un pétard mouillé parce que faut pas me faire des fausses voix comme ça, quoi. Bah, en plus, justement, un truc de Reborn, ça pourrait en faire un gros effet boule de neige et. Bah, puis en vrai. Relancer vraiment cette vague. Bah, ça pourrait en profiter d'ailleurs aussi pour repropulser d'autres mangas un peu sur cette vague. Ouais, Makira, tout ça. Bah, justement, moi, quelque chose. Un manga que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Qui est justement sorti en France chez Kana, c'est Yuzakura Family. Ah bah alors là, moi c'est pour ça que j'aime autant Yuzakura, je l'ai beaucoup défendu dans le podcast également, mais on va parler de toute façon un peu de cette génération juste après. Yuzakura Family, c'est. Enfin, si l'auteur s'inspire pas de Reborn, franchement, je sais pas ce qu'il faut, parce que c'est un héritier de Reborn. Et ce qui est fou, c'est que du coup, t'as cette qualité de l'art style qui est incroyable. Non, mais le tome 7, c'est le plus beau manga du monde. Ah, désolé. C'est très beau. Et ce qui est fou, c'est que t'as cette vibe un peu mafia et ce début un peu plan-plan où tu sens qu'il se cherche un peu dans. Ah oui, puis c'est le, vraiment le côté famille mafia où chaque personnage est très typé d'un stéréotype qu'on a déjà dans Reborn. Ce côté très. Ouais, vraiment, c'est l'écriture est dans, ouais, dans la même t'as vibe. Quoi. T'as le délire des pouvoirs, t'as ouais, ça. Non, ouf. Après, je veux pas trop en dire. Non, bah évidemment, que, c'est que. C'est ça, mais t'as un délire qui justement touche aux yeux dans les deux mangas. T'as ouais. Un pouvoir dans Yosakura qui touche les yeux, ouais. Les yeux des personnages, et t'as, je crois, le premier gros antagoniste de Reborn qui a le pouvoir par rapport aux yeux, je crois. Les oui, voix. Bah Rokudo Mukuro a ce truc dans l'œil qu'on se pose la ouais, question. C'est un œil rouge, je crois, des voix, il prend possession de certains personnages. Ouais, c'est ça, ça exactement. Non, bah, bien Mitsuna, il a quelque chose avec les yeux aussi, finalement, tout le long du manga, etc. Enfin, tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça dans Reborn. Ouais, même Mitsuna et. Byakuya aussi. Oui, d'ailleurs, attends, mais je cherche, j'ai oublié le nom du protagoniste de Yosa. Ah oui, Je l'ai plus. Je l'ai plus, j'ai pareil. Asano, je sais que dans nos familles, c'est Asano. Ouais, mais. T'as un délire un peu qui sont très représentés par un élément. Lui, c'est un peu plus tout ce qui est végétal. Ouais. Tsunade, c'est vraiment plus le feu. Ouais. Mais évidemment, je sens vraiment que Sakura a une grosse vibe Reborn. Et ouais, je pense vraiment que si Gondaira se dit un jour, non, et moi, j'ai grandi avec Reborn, tout ça, je pense que bon, bah, on non, mais déjà, pourquoi en fait. Pas un petit chapitre crossover moi, ah, je prends, ça, moi, je prends, je serais fou, ça, moi. Incroyable, ça. Moi, je serais dingo. Là-dessus, là, je serais fou furieux. Ce serait un dessert qui coule tout seul, ce serait incroyable. Ah non, mais c'est clair. Non, puis Reborn, il y a quand même ce bout. Enfin, en ce moment, il y a la culture et en tout cas la mode du cryo foreshadowing à tout bout de champ. Moi, bon, j'avoue que moi, le mot foreshadowing, c'est un mot qui me plaît non, pas trop. C'est plutôt savoir écrire un. En fait, c'est juste savoir écrire une œuvre. Hein. C'est le teasing dans une œuvre, voilà, c'est pas important, c'est tout. C'est mais... le procédé narratif du fusil de Tchekhov. Puis même, souvent, c'est aussi beaucoup juste raccrocher les wagons et c'est pas une mauvaise chose de dire, en fait, mince. J'ai une nouvelle idée, quand je raccroche, bah on reprend un truc à l'ancienne, on arrive à raccrocher tant bien que mal et ça marche bah bien. Justement, bah, comment on en parle de ça ? Ouais, clairement. Et dans Reborn, il y a tellement une précision dans tout ce qui est teasing, avec finalement ce début d'humour, où en fait il y a des micro-cases qu'on voit en fond qui sont hyper importantes pour des trucs, mais 30 tomes plus tard. Et moi, ça me rendait ouf à l'époque. Enfin, toujours maintenant d'ailleurs. Et c'est ouf. Et c'est Reborn, si vous avez l'occasion de y aller. En plus, il y a la réédition sur Manga Plus, et vu qu'il y a tous les tokens en ce moment pour l'anniversaire, je crois que vous pouvez vous faire quasiment une grosse moitié là pour le moment en one shot. Bah, j'espère que Glena va nous sortir la réédition qu'il y avait au Japon il y a quelques années. Là. Ouais, avec ça serait fou. Toute noire et tout. Mais... Après avoir, est-ce que c'est bankable ou pas? Voilà, c'est toujours le problème évident, mais alors moi une réédition de Reborn, je l'achète par palette. Hein. Ouais, je me dis, vu tout le fric qu'ils se font sur des One Piece, tout ça, je me dis, allez, vas-y les gars, s'il vous plaît. Ah oui, allez-y, par pitié. Pour les 20 ans de Reborn, une petite réédition, enfin. Ah ouais, ça fait moi, plaisir à je veux bien me faire. Je veux bien payer pour faire de la pub, hein, s'il faut, hein, dans ce sens-là. Ah, je suis prêt à payer pour du Reborn, personnellement. Moi, du Reborn en grand format avec des étincelles de Ramano. Ouais, allez, les gars, c'est du papier glacé. Ouais, puis en passant, vous sortez Ron et comme ça, moi je suis comblé. Hein, c'est ouais, bon, vous prenez Ron. En plus, Ron, ouais. Je crois, Ron commence à arriver un peu partout. Il sort en Espagne, il est sorti. Ouais, j'ai vu sortie espagnole, sortie américaine aussi. Donc non, c'est que la France. Espagnol, c'est Panini, donc on va croiser les doigts pour pas qu'il y ait tout l'expérience. Ouais, bah par pitié que ce soit pas chez Panini, quoi. Moi, c'est tout ce que je veux. S'il y a bien on a fini le CR, maintenant on sort Ron Kamonowashi. Ah non, par pitié. Ils vont peut-être sortir en deux fois comme Demon Slayer, justement. Ils vont sortir Monsieur Ron le détective et trois ans après. Puis une fois que l'anime aura percé, ils vont faire non, mais on a jamais sorti ça avant, c'est une nouveauté, ça s'appelle. Non, c'est faux, c'était pas Nani. Non, mais c'est pas la même chose, les gars, je vous le promets. Hein. C'est un prototype, il n'est pas sorti de la maison d'édition. Ouais, ça a leaké, les gars, c'est rien. Non, bon, Panini, nous, j'aimerais bien faire un épisode entier sur eux, mais en fait, j'aimerais bien inviter quelqu'un qui a bossé chez eux, en vrai, pour avoir un peu de dessous et pas cracher dessus un peu gratos. Parce que... dans quelques années, tu pourras faire ton cam aussi. Ah, bah, évidemment. Mais voilà, c'est Panini, c'est quelle maison d'édition qui a. Un nouveau podcast, les maisons d'édition, leur problème. Voilà, c'est ça. Mais voilà, et bah, du coup, j'aimerais bien qu'on finisse, parce qu'il ne reste plus trop de temps, mais voilà, on peut dépasser un peu. Ah, oui. Sur quand même, le Shonen Jump. Moi, c'est mon magazine de publication préféré. Après, je suis un peu biaisé parce que c'est aussi plus accessible chez nous, hein, évidemment. Ouais, c'est ça, tout ce qui tourne autour du manga. Parce plus, que malgré tout, j'aime beaucoup le Shonen Magazine, le Shonen Sunday, des choses du genre. Hein. De manga plus de mon côté et tout ça. Mais ouais, voilà, c'est... moi, je suis team manga plus. Et alors là, s'il y a un seul truc où je suis un peu extrémiste, c'est sur les gens qui continuent un peu de lire du scan. Limite, quand c'est pas dispo en français, je peux comprendre que tout le monde n'ait pas accessibilité à l'anglais. J'ai pas trop de problèmes avec ça, mais alors quand on a une belle collection de mangas et surtout le bah plus gros ouais, One en Piece plus, en français. Bah bah putain, moi c'est. personnellement, ça fait, on va dire, je pense, après plus d'un an que je me force pour bosser un peu mon anglais aussi. À l'heure, Oui, sur non, Manga mais. Plus, même quand c'était pas Après, voilà, dispo. c'est que là, j'ai aucun problème à que quelqu'un ne soit pas facile avec l'anglais, que même peu importe son âge, moi, j'ai aucun problème avec ça et que tout devrait être accessible dans la langue, nos langues natales. Et Manga Plus, c'est que pour y aller, bah, faut l'utiliser aussi de base. Déjà dans les français, les gars. C'est que One Piece, ça sort quand même 2 jours après les scans, les 3 jours à tout péter quand ils sont méga rapides. Bah, enfin, attendez 3 jours, et puis ça ira très bien. C'est Et puis simple que ça, quoi. honnêtement, je veux dire, One Piece, enfin, même ça sort le dimanche soir, 17h, t'es tranquille chez toi. C'est quand même mieux de lire ça comme ça que de lire ça le vendredi matin à 8h quand t'es dans le bus pour aller en cours Ouais, ou au puis boulot, en quoi. version dégueulasse entre deux tweets et tout, les Ouais, puis gars, des trucs moches. c'est. Non, mais enfin, c'est la culture du premier qui le lit, encore une fois, alors que bah. C'est la culture de l'instant et de je cherche à faire des stats et puis c'est tout, quoi. Ah bah, le classique. Je sais que moi, pareil, j'ai mon petit rituel, le manga plus. Là, en plus, j'ai investi dans une petite tablette pour le lire un peu plus grand. Parce que moi, je lisais sur téléphone, parce que j'aime bien. Mais là, du coup, je lis dans mon lit, sur tablette et tout. Je suis Ah bien moi là, le dimanche soir. je lance de la musique et je me Ah, mets moi, dans je suis au l'ordi top, pour quoi. on profite. Voilà, je suis au top. Et donc voilà, moi, c'est pour ça que je suis très Shonen Jump. Puis après, là, évidemment, l'aura de Shonen Jump via Bakuman, via Dragon Ball, Naruto, Ah etc., il y a toujours évidemment. cette phrase un peu de com les nouvelles bombes du Shonen Jump, nouveau Ouais, pic et puis Jump. en vrai, en France, bah, c'est aussi C'est ce qui est le plus mis en une avant. valeur sûre, c'est une valeur historique. C'est des valeurs sûres. Et moi, il y a évidemment des mangas du Jump que je n'aime pas, et heureusement, hein, parce que ce serait très étrange. Bah Hein. encore heureux, ce serait un peu Encore bizarre. heureux. Mais voilà, je voulais qu'on parle un peu du Jump, et encore plus du Jump aujourd'hui, parce que du coup. Pour l'historique du podcast, on a fait un épisode, le troisième épisode sur le Jump, parce que déjà c'est quelque chose que nous on aime beaucoup et qui est mis en avant et qu'il a quand même ce système de classement hein, qui n'est pas anodin dans les choses. Et dans le dernier épisode principal du podcast, on a fait un petit jeu sur est-ce que tel manga ou tel manga marcherait aujourd'hui dans le Jump. On parlait de Dragon Ball évidemment, de City Hunter, est-ce qu'aujourd'hui, ça sortait maintenant, ça marcherait? Donc on fera pas l'historique de tout ça, mais c'était quelque chose qui est très intéressant. Et si jamais un jour on fait un épisode 2, tu seras gracieusement invité et on reparlera de tout ça Enfin, j'aurais révisé, plus en je détail. pense. Voilà, mais voilà, c'est que j'aimerais qu'on parle un peu de cette ère du Jump qui finalement a été un peu chamboulée sur plein de choses, je trouve, notamment à l'ère post-Kimetsu, en tout cas, avec, je trouve, du mal à fidéliser des grosses œuvres. Même s'il y en a eu, hein, évidemment, on a Black Clover qui finit, My Hero Academia, Dr. Stone, mais tout ça, ça va sur la fin. On a des grosses nouveautés, on a Jujutsu Kaisen, mais qui a un peu un sentiment de presque dernier arc sur les bords. Après, on n'est jamais à l'abri de rien dans le Jump, hein, évidemment. Mais pareil, hein, finalement, tout ce qui est Undead Unluck, Yozakura, Mashle qui annonce sa fin, mais en fait, non, mais en fait, si, des choses du genre où on pourrait croire qu'on est sur des trucs de fin. On est à la fois, je trouve qu'on est dans la meilleure période du Jump depuis un moment avec énormément de qualité. Moi, il y a quasiment rien que Il y je a ne lis énormément de pas. diversité, c'est Et surtout, il y a magnifique. beaucoup de diversité. Moi, je suis un énorme fan là dernièrement de Akane Banashee et de Ah, c'est PPPPP. la chine, Mais c'est Akane la BD. Banashee, c'est moi. J'ai pris 2 claques en 2 ans dans le Jump, même 3 parce qu'il y a Yozakura. Il y a Akane Banashee dernièrement et il y a Blue Box. Moi, c'est si toi t'es le relou d'Undead Unluck, moi je suis le relou de Blue Bah, Box. je vois dans ton tweet, Nine, hein. Montaigne, y a ça. Ah bah, Blue Box c'est très très bon. En plus, c'est que moi, Akane Banashee, j'étais un très grand défenseur du défunt Actage. Ah Donc, bah forcément, évidemment. revoir un manga sur le tête dans le Jump, ça Ah bah là c'est très bien. j'ai lu le premier chapitre avec la petite arme à l'œil, c'est assez fini, on peut Non, repartir. puis c'est, y a, voilà, on va pas forcément essayer sur Akane Banashee, mais voilà, c'est que je trouve qu'on a quand même des choses qui osent un peu plus, même Il y a une Undead Unluck. liberté d'expression plus qu'à l'époque où Ouais, et il y même avait ce truc Undead Unluck. de Hein. on sort des Neketsu, on sort des Ah bah, comédies, on sort des soit trucs Neketsu, soit sport. Bon, après, j'avoue qu'il manque un peu de sport. Moi, je suis très très fan de séries de sport et je suis un peu en manque dans le Jump actuellement. Après, voilà, le Sunday et le magazine à côté ont des gros, Ouais, gros, après, il gros faut pas non trucs plus rester forts. sport pour faire du sport. Ils avaient lancé un truc Non. de football l'année dernière, ça avait Alors, moi, j'aimais beaucoup Nobull Parade pour le coup, j'avoue, mais je suis très fan de baseball. Et après, voilà, c'est que c'est le problème du Jump en ce moment, c'est que si dans les 6 premiers chapitres, tu commences pas à faire du gros si ça lourd. marche pas, tu dégages. C'est compliqué et Nobul faisait un chapitre par nouveau personnage et du coup bah ça devait être trop long pour le Ah, lectorat c'est très japonais. épisodique et très long, quoi. C'est compliqué alors que du coup on le voit dans son épilogue où il fait un match, bah ça aurait pu être incroyable hein, malheureusement. Voilà c'est le jeu et finalement quand tu vois que le dernier qui a réussi un peu à survivre c'est Robot Cross Laser Beam et pourtant qui est un post-Kuroko qui avait du mal sur la fin déjà et que même lui de toute façon a fait genre 7 tomes. Bah voilà, tu te demandes est-ce que c'est pas mieux aussi de... Après, si, Inomaru Sumo quand même, mais c'était déjà plus vieux. Mais voilà, après, Inomaru, c'est d'ailleurs un cas très très particulier. Oui, bah, évidemment, évidemment. Parce que ses classements étaient excellents, mais ça se vendait, on va dire, on pourrait comparer aujourd'hui, ce serait du même niveau qu'on va dire un manga qui survit, qui est High School Family, qui fait des bons oui, voilà. effets pour son standard, mais qui se maintient globalement bien. On parle beaucoup de Underdog qui tape des ventes très mauvaises, et d'ailleurs j'en suis le premier à rigoler, mais c'est pas la première fois qu'un manga s'impose dans le Jump en faisant des ventes très faiblardes. Ah non, mais c'est vrai que... Tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, tant mieux, parce que j'ai vraiment l'impression que ça libère une... On va dire, j'ai l'impression d'une pression sur le dos des auteurs, parce que je trouve aussi que forcément, le Jump va un peu commencer à fidéliser plus ses auteurs, parce que le Jump a toujours été un peu cette image de... le truc qui fait de la propulsion des nouveaux auteurs. Tu vois, du Toriyama qui explose dans le Jump. Ah bah évidemment. Du Inoue qui explose dans le Jump. Du Oda qui explose dans le Jump. Du Kishimoto qui explose dans le Jump. Et il reste assez rarement dans le Jump. Bon, Oda, il est là, ça fait 25 ans qu'il y est. Et je pense qu'il a sa place attitrée. Oui. Kishimoto, il a essayé de revenir. Ça n'a pas marché. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Kubo, il est à moitié. Je reviens pas. Bah, je fais puis Kubo, au final, voilà. C'est Kubo, ça finalement. Fait, il... Je fais Burn the Witch. Ça fait 2 ans que j'attends la saison, qu'on attend la saison 2. J'annonce à moitié un nouvel arc de Bleach. Toujours rien. Alors, je pense que là, pour Kubo, c'est un vrai gros build-up marketing du Jump aussi. Parce qu'on a normalement l'anime en octobre sur la fin par Pierrot. Et moi, je sens bien le. Du coup, entre guillemets, 2023, voilà, année de Bleach. Avec nouvel anime, nouvel arc, Burn the Witch en parallèle. Moi, bah, je sens bien qu'ils pareil, vont valoriser là-dessus. Exemple, quoi. C'était il y avait un gros débat aussi avant que Tatsuki Fujimoto communique là-dessus. C'était autour de quand l'anime de Chainsaw Man et la partie 2 du manga vont arriver. Et moi, du coup, j'avais dit, non, mais c'est sûr et certain que ça va commencer à maximum de 3 mois d'intervalle. Et au final, ça va se passer. Oui. La partie 2, je crois, est prévue pour cet été, le début. C'est ça. Et l'anime est prévu, je crois, pour cet automne. C'est ça, octobre. Au final, on reste sur une logique très commerciale. Bah, ils ont raison. Ça reste justement dans l'intérêt de Shueisha, qui, je pense, qui va essayer maintenant de capitaliser sur le modèle un peu Demon Slayer. Ça reste tranquille, ça fait son nid. Après l'anime, on envoie toute la com et on voit si ça tient et si ça tient en continu. Sinon, tant pis, on aura quand même fait des ventes. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a une plus grande liberté sur les œuvres qui sont là d'un point de vue scénaristique. Moi, je prends le cas du manga que je connais le plus, forcément dans le Jump, qui est, je pense, aujourd'hui mon manga préféré, Undead Unluck. Yes. Pour lire ça, en 11-12 tomes, il y a quand même des trucs qui sont un peu... bon, il y a forcément tout le débat autour du début qui est vraiment mauvais. Pour le début est mauvais de Undead Unluck, ça faut... Le début est mauvais avec un côté très ecchi. Mais par exemple, là, on en est en 10-11 tomes, ça parle d'apocalypse, ça parle... Ah non, mais Tozuka, c'est le meilleur système de pouvoir qu'on a dans le Jump depuis bien longtemps. Au niveau d'univers et tout ça, j'ai jamais vu ça. Non, puis le premier vrai gros plot twist de la série, tu te le prends une belle claque et derrière, tu peux plus décrocher, c'est pas possible. Enfin, ouais, bah, surtout qu'il te met une claque, après il enchaîne. Et il continue. C'est pareil, moi je suis un gros amoureux d'Undead Unluck aussi, j'en parle énormément, on a beaucoup parlé à la sortie aussi dans le podcast. Et le jour où ça arrive en anime, si on a un bon studio, ça peut très... S'ils arrivent à un peu casser le début comme il est, ça peut être un énorme truc qui prend très vite. Bah, rien que le début où on te dit direct, en fait, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est une règle. Et il y a des gens qui utilisent ça. Non, le système de pouvoir est incroyable. Et en plus, c'est qu'arrive à durer sur la durée, justement. Là où je trouve que, voilà, si on allait sur Jujutsu, on se perd un peu dans ce qu'il essaie de faire avec ses pouvoirs, surtout avec l'arc en cours. Je trouve que Undead Unluck, c'est moins long actuellement que Jujutsu, évidemment. Mais il arrive vraiment toujours à rester très très fidèle à ses règles de son univers et à jamais trop en dériver, quoi. Bah les deux, justement, les deux auteurs se revendiquent un peu héritiers de Togashi. Ah bah évidemment. Et ça se sent d'ailleurs. Clairement. Mais je dirais que là où Akutami, il a repris un peu la formule qu'avait instauré Togashi et il a essayé de la pousser à l'extrême. Moi, par exemple, je reste béat du fait qu'il a dû prendre 3 pages dans un Jump Giga pour expliquer mathématiquement le pouvoir de Gojo, ça. Oui, oui. Ça, je me suis dit, attends, est-ce qu'on vient vraiment de vivre ça? Et à côté, je dirais que Tozuka, il a essayé de la remanier pour la rendre un peu plus accessible. T'as plus le délire de. T'as des délires de façon comme ça. C'est juste, tu prends un truc qui existe dans le monde et il y a un mec qui se bat en utilisant ça. Ouais, et surtout, c'est que pour encore comparer bêtement Jujutsu et Undead Unlock, alors que ça a finalement très peu à Ouais, voir à ça part n'a la rien chaîne à de voir, pouvoir, hein, attention, mais hein. c'est intéressant parce que C'est les que deux se basent sur la même chose. Jujutsu aime jouer sur le fait que ça se veut compliqué sur la surcharge des fois des planches, sur les pouvoirs, sur des énormes ellipses qui n'ont rien à Mais foutre parfois, là, des ouais, choses du genre. parfois, t'as même l'impression que les personnages sont dépassés par leurs propres capacités. Voilà, et du coup, à l'inverse, Undead, il va jamais chercher à vouloir trop compliquer, c'est que. Et sans être dans la surexplication, c'est que tout est limpide et pourtant c'est très très dense en lore et en choses derrière, et ça c'est très très agréable à lire quoi. Ah, mais tu peux théoriser sur absolument tout et n'importe quoi. Ah, mais ça c'est C'est très très des bien quoi. membres de la communauté anglophone et japonaise qui t'ont fait des threads de, je crois, 30, 28 sur juste la cover du tome 11. Ah non, mais Et c'est une ça. simple cover avec un personnage en gros plan qui dégaine son sabre. Et Ah non, mais pourtant, ça. Et on a plus pareil en simple ce que moment, ça. notamment avec un manga pareil que j'aime beaucoup qui est très décrit, Black Clover. Notamment avec la pause là, on nous a laissé sur un cliffhanger de malade mental. Ouais, là, bah, moi, je suis un peu de loin, Black Clover. Je vais Ouais. attendre un peu la fin pour revoir un peu en ensemble. Mais voilà, pareil, moi, on a fait un épisode entier sur Black Clover. C'est le seul pour l'instant manga qui a eu le droit à ça dans 10 minutes. On a fait, je sais plus, 3 heures, donc jusqu'à la fin de l'anime. Pour le coup, on s'est arrêté à l'anime pour pas spoiler les gens. On parlait de Black Clover et j'ai très hâte d'en faire un épisode 2 parce que c'est incroyable ce qui se passe dans Black Bah, Clover si un jour tu là. ne vas plus sur un de l'eau, tu sais qu'il y a pas les Ah bah alors là c'est le jour où ça termine et qu'on fait un épisode dessus, c'était le premier invité, alors là sans souci, hein. Avec grand plaisir même. Parce que j'ai très hâte de voir justement où il veut aller, et c'est Shonen Salto, donc un gros Twitos Leaker Shonen Jump, qui théorisait sur le fait que ce soit peut-être bientôt la fin, et pareil pour Yozakura, et que du coup 2023-2024 sera un gros renouveau Après, de Jump. je dirais que la force de l'auteur, c'est de réussir à faire en sorte que chaque arc peut être le dernier. Oui, et ça c'est Je bien. dirais que Luc, de base, il n'avait pas cette sécurité auprès de Shueisha, qui dit fais ce que tu veux. Tu sens qu'il ouvre une porte, et à la fin de l'arc, il la referme pour faire en sorte que bah, c'est là, c'est fini, ils suivent leur quête tranquillement. Ouais, puis un peu ça dans Ouais, Yozakura aussi, globalement, je trouve. dans U, on va dire, pour l'instant, je crois que tu as une dizaine d'arcs. Ouais, à peu près, ouais. Autre quelques arcs, là, quelques derniers arcs qu'on a eu pour l'instant dans ce qu'on peut appeler la seconde moitié, donc après le chapitre 40-50, les arcs avant, chacun peut conclure la série. Et l'arc actuel, il peut faire office d'arc final. Et juste là, les arcs avant sur les saisons qui pouvaient pas trop marcher parce qu'ils te disaient un peu Oui. derrière. Mais tu sentais qu'ils pouvaient arrêter après l'arc Spring, par exemple. Yes. Mais voilà, et justement, je voulais. Ça me tend une perche pour justement que je voulais avoir dans le jump, c'est ce système de classement. On a eu tout un débat déjà plusieurs fois, nous, dans le podcast. C'est ce système qu'on peut trouver peut-être unfair pour les auteurs. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis, vraiment personnel, hein, ça, évidemment, sur qu'est-ce que tu penses de ce côté un peu classement, sur le fait que, bah. Ta vie dans le jump, même si c'est de moins en moins vrai parce que c'est plus fort, on le voit avec plein de choses qui survivent malgré qu'ils soient en bottom du classement, bah, ta vie dépend de ton lectorat et de finalement au bout d'un moment est-ce que ça stack pas aussi la qualité ou bah, il y a forcément meilleur que toi dans le classement quoi. Moi, de mon côté, je trouve, bon, forcément, t'as des arguments des deux côtés. Le fait que tu te dis, de base, je suis en danger si le lecteur aime pas, donc de base, je vais proposer le meilleur manga qui soit. Enfin, je me dis, c'est publié, c'est bon, j'y vais plus dur. Par exemple, il y a cette histoire, je sais pas du tout si elle est vraie ou quoi que ce soit, mais il y a un peu cette espèce de légende urbaine d'Oda qui aurait dû refaire 3 ou 4 fois le manuscrit de One Piece pour que ce soit accepté en publication. Ouais. Parce que justement, son responsable éditorial savait que c'était l'œuvre de sa vie, que si ça se foirait, bah, jamais il s'en relèverait. Mais du coup, justement, ça crée une compétition entre les mangaka qui, on va dire, se sentent obligés de se dépasser. Après, forcément, tu as des mauvais points. C'est sûr que voir une œuvre comme ça, qu'on aime énormément, se faire charcuter à cause justement d'une impopularité. Moi, par exemple, si demain Undead Unlock se fait annuler à cause de ses mauvais classements, justement, bah, on a tous eu un manga qu'on aimait beaucoup dans le Jump qui s'est fait annuler très très très très tôt à cause justement de problèmes extérieurs au magazine ou justement d'impopularité. Par exemple, Time Paradox de Ghostwriter, encore une fois. Voilà, c'était encore une autre histoire hein, pour le coup, un Time Ouais, bah Paradox, après, c'était un bon, peu compliqué. t'avais aussi un peu de ça, mais on peut tous citer ça. Par exemple, moi, je sais que j'étais un grand fan de God of Destruction de Magu-chan, Ouais, mais je moi trouvais aussi, ouais. bien passer le chapitre 40, c'est bon, ça marche pas, on va suivre et en pire, on verra quand ça s'arrête. Oui, voilà. Forcément, il y a du bon et du mauvais côté, mais je dirais que si ça a apporté le jump pendant autant d'années, parce que le jump s'est littéralement construit sa réputation de roi des magazines de manga sur ça, c'est qu'il y a bien eu un impact positif par rapport à ça. Ah bah Et c'est que. Et des pourquoi il. auteurs, ouais, des auteurs qui ont eu des échecs sont revenus plus forts. Ah Par mais c'est exemple, ça. Horikoshi. My Hero Academia, il a eu deux échecs avant. Évidemment. Non, puis enfin, même on a pu le voir aussi avec l'auteur de Belzébub, des choses du genre. Enfin, c'est très rare que les auteurs fassent des one-shot, des méga bangers. Bah, après, à l'époque, un peu plus, et encore Toriyama, il y avait déjà eu Dr. Slump, qui est déjà très très bien, et d'autres Ah, choses je crois que avant. Toriyama, c'est le seul auteur qui a eu toutes ses séries, donc le dans le jeu, qui ont été que des succès, parce qu'après, il a fait des trucs un peu plus annexes, des Oui. compilations, tout ça. Et avant, il a fait surtout des one-shots, mais Voilà. ils doivent être très très rares, les auteurs dans le jump, je Mais pense. c'est extrêmement rare. Bah là, en fait, il y en a peut-être. Après, c'est trop tôt pour le dire, hein, mais on voit des gros auteurs qui arrivent à exploser un peu quand même pas mal, là. Bah, justement, l'ère qu'on est en ce moment, avec pas mal de gros auteurs directement, notamment bah, le Blue Box, Machel, des choses du genre. Ouais, après, je me dis aussi que le jump est peut-être un moment où, pour la première fois, ça peut-être disparaître. Avec justement le fait que le jump essaie un peu de cultiver ses auteurs. Là où avant, c'était juste un tremplin. Là, on voit que t'as, on va dire, un peu cette espèce de culture avec pas mal d'anciens qui sont revenus. En quelques années, on a eu l'auteur de Toriko qui est revenu. Oui, On a Ed eu Build King. l'auteur de Beelzebub qui est revenu une Qui est deuxième revenu. fois avec Ouais, un Paul Copland Dolphin. une troisième fois même. Parce que du coup, Ouais. il avait fait Marie. J'ai eu aussi des auteurs de flop qui sont revenus plusieurs fois. Ouais. Justement parce que je pense qu'à côté, bah, le Jump va perdre un peu cette image de magazine tremplin pour devenir un magazine juste qui a son groupe d'auteurs, style le magazine qui te sert du QJCO, qui pleuve, qui neige ou qui vente. Ou par exemple, je dirais bah, le Champion qui te sert du Baki depuis 1829 ou Kadui Ruma qui s'étale, qui s'étale, qui s'étale. Bah, je pense vraiment que le tremplin, ça va devenir le Jump Plus. On le voit avec Kendo, on le voit avec Naoya Matsumoto, on le voit avec on l'a vu justement avec Yuji Kaku, qui a explosé dans le Jump Plus avec Ace Paradise, et qui là, qui patine un peu avec Ayashima dans le Jump, justement aussi. Mais le Jump Plus, c'est une très belle plateforme, Bah, soit c'est pour une le. belle plateforme, et surtout, c'est qu'il y a plein d'avantages. C'est gratuit, là où le Jump, faut quand même acheter le magazine. C'est moins encombrant, je ne sais pas si tout le monde a déjà vu un Jump, mais c'est quand même un Bah, c'est gros très très objet. gros, ouais. C'est très très gros, C'est un annuaire, c'est littéralement un annuaire. bah, c'est en annuaire, le papier n'est pas forcément méga qualité, alors que Ah non, forcément il les est tout pourri. smartphones, c'est assez rétro-éclairé et tout ça, tu peux zoomer et tout. Vraiment, le Jump Plus a plus d'avantages que le Jump directement, bah, c'est le Jump Plus, pas pour rien que Oui, ça d'où s'appelle le nom. comme ça. Non, mais Mais c'est rigolo ouais, qu'il a ça. les deux effets, c'est qu'à la fois, il permet de découvrir des auteurs hors magazine, et également, là, on le voit du coup avec, encore une fois, du coup, Ayakashi Triangle, qui permet aussi d'avoir plus d'ouverture et de liberté sur certaines œuvres pour ceux qui ont commencé dans le Jump ou qui sont déjà installés. Et ça, Ouais, c'est dans après, les. Ayakashi Triangle, je crois que c'est l'un des rares cas de trucs qui passent Jump au Jump Plus. Bah, Pit of Darkness, du coup, à l'époque déjà. Ouais, Lui, après, Yabuki, il justement, l'a battu, hein. Lui, il aime ça. ouais, après vraiment, c'est très particulier. En plus, je crois que tout le coup Darkness, la fin, je crois que Yabuki, elle est pas très bien du tout. Il a un peu improvisé la fin et tout. Non, c'était un peu compliqué, ouais. Bah déjà, Darkness, à la base, c'était pas censé exister non plus de base. Ouais, C'était une commande un peu shueisha bizarre, enfin. Mais ouais, c'est encore une autre affaire. Mais. On va se retrouver avec Darkness Triangle, on va voir fou. Ah bah là, déjà, le chapitre 90, c'est un sacré tournant. Alors là. C'est. Mais Après, bon, voilà. il avait quand même sorti de sacrés trucs Ah bah, sur. déjà, trois chapitres pas diffusés Ouais, il y avait trois chapitres hors diffusés. Je Japon. crois qu'il y avait un personnage enfantin qui s'est Ouais, bah, sorti il de. a la. Là, enfin, c'est pas une fée, mais voilà, il y a un vrai, voilà, un truc La enfantin. pote de la prota qui fait des refs au manga. Ouais, c'est. Non, Il y non, a mais. un chapitre que j'ai trouvé très marrant, c'est ils sont dans une piscine. Bon, Oui. forcément, c'est un peu itchy. Et derrière, t'as une gamine qui te sort des techniques souffle de l'eau, Oui. chaîne d'éclairs et trucs comme ça. J'ai trouvé ça très marrant. Non, mais très très bien. Ouais, mais ouais, après, je pense vraiment que. Je sais pas s'il va vraiment y avoir plus de passerelles. Par exemple, si je sais pas, moi, demain, t'as l'auteur de Yuzakura qui fait, je peux passer sur Jump Plus pour avoir plus de liberté. S'ils vont lui faire OK ou si vraiment ils vont séparer les deux, style bah, par exemple Young Jump, Shonen Jump. Ou vraiment si ils vont garder, on va dire, un écosystème autour de ça. Non, Faudra ouais, voir c'est. et aussi voir vraiment si le Jump va vraiment perdre en importance au profit du Jump Plus qui vraiment est en train de lancer énormément de choses. Bah, récemment, on a vu ta copine Ogenzai, qui a un truc de 16-17 chapitres et qui tape des scores absolument Ah, mais dantesques, c'est qui a impressionnant. fait du 4 millions de vues, je crois, sur la plateforme. Ce qu'aucun gros manga du Jump ne fait. Ayakashi Ah non, mais Triangle, c'est. Ah, bah non, Triangle, c'était bah. 1,6 million, je crois, sur les derniers chapitres. Mais non, c'est sûr que c'est. Je pense qu'il va y avoir du mouvement dans la Shueisha. Ne serait-ce que parce qu'il y a, il risque d'y avoir. Bah déjà, on a perdu Dr. Stone parce que c'est fini. Et Masha, c'est la fin. Black Clover, bon, arc final, on sait que ça va être très long. Hein, mais donc, ça, il y a un peu en plus de temps. Mais voilà, on va quand même perdre encore une fois. Ouais, après aussi, je pense que Shueisha n'a pas, c'est pas encore adapté sur son truc de ils sont passés en 4-5 ans. de mangas comme Eikyu ou Gintama qui s'étirent sur 50, 70 tomes, ouais, à des trucs comme MHA, Black Clover qui vont pas dépasser la cinquantaine. Je pense qu'ils sont pas encore adaptés au fait. Alors, Black Clover risque de dépasser la cinquantaine parce que on a des, a priori, ce serait, la chapitre finale ferait quand même bien 200 chapitres encore. Hein, donc on a bon, on a de quoi voir. Après, ça avoir, ça fera, pas la durée, ça fera pas la durée, on va dire. Mais non, c'est sûr que c'est pas des. Mais vraiment, ouais, je pense que Shueisha n'est pas encore, n'a pas encore adapté ses auteurs à, on va dire, à produire, on va dire, à augmenter leur rythme de production ou juste à réussir à sortir plus de choses en même temps. Non, puis est-ce que vraiment on a besoin de mangas qui durent 70 tomes aussi? C'est la question qu'on peut ouais, se poser voilà, derrière. Bah, c'est très bien. Bah, personnellement, je peux faire un manga comme un Unlock qui se destine pas à durer plus de 30-35 tomes. Moi, oui, voilà. Unlock, je vois ça durer 20, durer un peu à la Demon Slayer. Qu'un truc qui te fait un arc, qui te fait 25 chapitres épisodiques, qui te refait un petit arc. Et vraiment, j'ai l'impression de, que l'auteur il va un peu à reculons parce qu'il n'a pas envie de trop accélérer. Non, c'est pas largement la première option. Ah non, bah, ça c'est clair et net. Et moi, c'est surtout c'est que je voulais qu'on parle d'un truc aussi sur le jump. C'est... Ouais, c'est est-ce que tu crois, moi c'est une théorie que j'ai, c'est il y a quelques années, donc, où, en fait, quand Dr. Stone a été lancé, c'est l'époque où ils avaient sorti 5 mangas que de vétérans. Donc Dr. Stone avec du coup l'auteur, le scénariste de Aishi de 21 et du coup Boichi pour la première fois scénarisé pour le coup au Japon. Il y avait l'auteur de Belzebub qui était revenu avec Watch Me Marry, je sais plus quoi. L'auteur de Kuroko qui était revenu avec Robot Cross Laser Beam. Et deux autres auteurs qui étaient revenus voilà, à ce moment-là. Deux néophytes aussi, je crois, il y avait. Et il y avait des néophytes en plus, ouais. Il y avait Winneverland qui était. Enfin, il avait fait un spin-off de Nisekoi, mais c'était sa première vraie série. Oui. Et la première série de l'auteur du Zakura, truc Poé Poé, Demon Machin. Ouais, et du coup, c'était à l'époque, c'était la grosse annonce, en mode, voilà, 5 vétérans, grosse réalisation de suite pour relancer le jump, parce que c'était aussi une période de creux du jump de ouf, hein, malgré tout. C'était début 2017, donc il n'y avait plus Bleach, il n'y avait plus Kushikame. C'est ça. Aussi. Donc voilà, c'est beaucoup de choses qui perdaient, ils ont relancé comme ça. Et là, on n'est pas dans un creux du jump, loin de là, mais pareil, ils risquent de perdre pas mal de grosses séries. Est-ce que tu crois à une espèce de relancement avec que peut-être 3-4 têtes de proue qui vont essayer de relancer la grosse série avec surtout du nom plus que du néophyte? Moi, je pense pas forcément. Ouais. Parce que quand tu regardes les dernières années, on va dire, tu prends 2019 à 2021. Là, actuellement, il ne reste qu'une série de 2019 dans le Jump, ouais. C'est Yozakura, et celle d'avant qui s'était terminée, c'était Chainsaw Man. Tout le reste est passé à la trappe, dont Samurai 8 avec l'aéroscope, le Shueisha et tout. Ah non, et puis Big Up à Kana aussi en France sur Samurai 8. Hein. quel nez, quel pif là-dessus. Bah, les pauvres. En fait, c'est pas de leur faute, c'est que c'est la Shueisha qu'on leur dit, bah les gars, ça c'est bon. Ça vendait mieux en France qu'au Japon, limite. Bah oui, en vrai, oui, en plus, hein. C'est la pire. Après, pour 2020, tu prends, il reste Dead on Luck, ouais. Mashle. Yes. Miro et A School Family, donc des comédies un peu plus mineures. Ouais. Et 2021, par contre, ils ont lancé moins de trucs. Mais tu ressors du Elusive Samurai, tu ressors du Witch Watch, tu ressors du Blue Box, ouais. Tu ressors aussi, justement, tu ressors PPPPPP. Ouais, Sakamoto Days. Qui est aussi... Sakamoto Days, c'est 2020, je crois. Oui, plus long, oui. Et le truc, c'est que PPPPP, le truc de piano, là. Ouais, voilà, lui. Il a été lancé tout seul, ce qui est très, très rare pour le Jump. Et là, justement, ils vont relancer un truc qui est tout seul. Ouais, avec le smartphone, là. Et en plus, c'est que les deux dernières nouveautés ont l'air de plutôt bien s'imposer. Akane Banashi a eu une page couleur. Akane Banashi, troisième, premier classement. C'est First comme Blue Box à l'époque. Après, il faudra voir les ventes parce qu'il y a toujours des nouveautés qui vont fondre tout mon classement. Qui ouais, First Child, ça commence déjà à tomber un peu dans les classements aussi. First Child, qui pour le coup, j'aime pas spécialement. Moi, je suis moins fan aussi de First. En fait, je ne comprends juste pas où ça va. C'est vraiment ouais, voilà, pareil, je sais pas où ça va aller. Qui va gauche, droite, machin. Chaque chapitre, c'est un. Pourrait se finir presque. Oui, voilà. Et après, Earth Child qui va avoir une page couleur, donc c'est très bon ouais. Aussi. Et deux d'affilée dans deux jumps ouais. D'ailleurs. Bon, après, d'ailleurs, quand tu remontes plus loin, Ayashimon, Doron Dororon et Shugomaru, ça se casse la gueule. Bon. Alors, Shugomaru, moi, j'aime pas du tout pour le coup, mais j'avoue que Doron Doron et Ayashimon, j'aime beaucoup, donc voilà. Après, c'est le. Shugomaru, j'aime pas du tout, et moi, ça m'a fait très marrer de voir qu'il s'est moins vendu que les anciens tomes de Mashle sur sa semaine de sortie. c'est vraiment. La vanne, seule la famille du mangaka a acheté ça, n'a jamais été aussi vrai. Ah, voilà. Bah Shugomaru, c'est compliqué, hein, parce que même graphiquement, c'est pas au niveau, quoi. L'auteur a été obligé d'arrêter son spin-off humoristique sur One Piece pour commencer. Non, il fallait rester là-bas. C'est très étrange. T'avais ta place. Ouais, puis consolide-toi, peut-être. Ouais, je sais pas ouais, si c'était bizarre. Ouais. Non, bref. Écoute, chacun fait des erreurs. Oui, évidemment. Et ouais, je pense vraiment que faut pas non plus trop sortir de trucs pour voir si ça colle, ça ne marche pas. Parce que ça, ils ont déjà essayé, ça n'a pas marché. Oui. Peut-être essayer vraiment de peaufiner les trucs, de sortir des trucs vraiment originaux. Là, ah, je regarde les dernières nouveautés. Tu as du coup un manga sur le théâtre, ouais. Ce qui est plus rare dans l'histoire du Jump. Un truc un peu étrange, un peu ovni, où on s'est peut retrouver son public. Oui, je pourrais pas le qualifier. Alors, ouais, en fait, je pourrais même pas le qualifier, tellement c'est bizarre, quoi. Et avant, ils ont sorti une comédie un peu chelou, ok. Ouais. Un gros shonen neketsu très classique. Ouais. Et un shonen un peu plus exorcisme qui fait des refs au manga du Jump. Donc, t'as quand même une variété. Et encore avant, ils ont sorti un manga sur le piano. Voilà. Puis il y a plus qu'un style graphique qui est un ovni. Moi j'aime beaucoup. Ah, mais c'est. On est assez unanime aussi dans le podcast sur PPPP. C'est très très bien. C'est très très bien. Non, mais c'est qu'on a un beau roster. Effectivement, moi, j'avoue que je suis toujours sur mon idée de gros mangaka, mais j'espère plutôt des séries un peu ovni et qui testent des choses. Ouais, en fait, c'est le moment de tester, quoi. Plus que vraiment faire du tremplin, le Jump va aussi un peu plus se baser sur ses valeurs sûres. Alors, ouais. On a vu, il y a l'auteur de Skate Vance, oui. Kenta Shinohara, ou Shinohana, je ne sais pas comment il s'appelle exactement. Qui est revenu avec Witch Watch, Solitive Samurai qui est revenu avec Yusei Matsui qui est revenu avec Solitive Samurai. Donc vraiment il y a vraiment cette idée de on a nos valeurs sûres, écoutez, on teste des trucs. Ouais. Je pense que c'est ça qui va le coach va faire. Ouais. D'ailleurs, je suis très curieux de la réception de The Elusive Samurai là chez nous qui sort bientôt en manga. Ça sort dans un mois, Ikana, ouais. Même moins d'un mois, on est début mai, Ikana. Et donc très curieux de comment ça va être reçu parce que c'est très très très ancré dans l'histoire de la japonaise, mais vraiment énormément, quoi. En plus, c'est que ça sort alors que Assassination Classroom, c'est un gros gros mastodonte de ces dernières années en France. Donc très curieux de voir comment ça. En tout cas, ça va survivre parce que le tome 1 risque de beaucoup marcher, mais de voir derrière comment ça va continuer en tout cas. Ça va faire des stats honorables. Ça va, je pense, au pire, ce sera quelque chose genre un mid-seller qui va te. Oui, non, mais évidemment. Tableau. Ça peut être les gros flops style je veux pas non plus dire des titres pour pas faire des foot, mais oui, les gros flops, ça existe, voilà. Ah bah évidemment, mais non, il faut tout dans un marché, évidemment. Bah écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour de plein de choses. On a bien parlé, voilà. Ouais, non, écoute, c'était, en tout cas, j'ai adoré. J'aurais pu encore parler de Milan aussi. En tout cas, si à l'occasion t'as besoin de quelque chose, moi je suis là. Écoute, même si toi un jour tu te dis je veux parler d'un truc mais ça passe pas dans mes émissions, t'hésites pas à me contacter, on peut voir ce qu'on peut faire aussi dans le podcast. Nous, en tout cas, c'est avec plaisir qu'on te réinvite, que ce soit dans un épisode plus classique où c'est un peu plus le bordel, ou dans un épisode comme ça. En tout cas, c'était vraiment cool. C'est un peu plus encadré, qu'on parle pas un coup de... Ou alors, c'est jamais très encadré, hein. Il y a que les jeux qui sont cadrés dans 10 minutes. Je ne m'encadre pas de toute façon. Mais c'est bien. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. J'ai appris plein de choses sur toi. Quand j'ouvre mon tableur de vente, à côté, j'ai les ventes de Fairy Tail, et à droite, les ventes d'un Ichi ou des ventes d'un manga à la con en France, quoi. Et bah parfait. Alors, où est-ce qu'on peut te. Ça peut être quoi ton actu? Où est-ce qu'on peut te retrouver là si on alors, veut consommer ton contenu? Je suis du coup très actif sur Twitter où je poste tout ce qui est graphique, graphique de vente. J'en ai sorti vraiment sur les. Enfin, dernièrement, alors on enregistre du coup sur les ventes de manga en France. Là, je sais pas quand sort l'émission, mais les prochains, ça devrait être les derniers, ça devrait être sur Fairy Tail, La Fête des Titans et A Couple of Cause. Ok. C'est mon nom du coup pour prendre l'arrobase, c'est @am4n0_. Ouais. Tout sera dans la description. Donc, de toute façon, tous tes liens sont dans la description. Voilà. Et sur YouTube, c'est Amano, vous tapez Amano, Amacroni, vous devrez trouver assez facilement. Et justement, j'espère qu'à l'heure où sortira cette vidéo, sera sortie ma grosse vidéo sur le cas Netflix. Ouais. Et que je travaillerai après sur justement mon ma prochaine vidéo qui devrait être sur Spy Family ou Kaguya-sama. Et j'en profite aussi pour annoncer un truc ici, mon premier court-métrage. Oh, j'en mets. Sous quelle plateforme? Sur Okami, justement. Sur Okami. Ah, et j'ai très hâte de voir ça. Très très hâte, on suivra ça de près. Et quand ça sortira, on le conseillera évidemment dans l'émission, avec grand plaisir. Bah, merci à vous pour l'invitation. Merci à toi, Roger, d'avoir accepté l'invitation. Okay, pas de problème. Vraiment au plaisir. Quant à vous, les auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Alpha Prime. On a déjà une deuxième interview de Bouquet, donc ça va enchaîner normalement sur une nouvelle interview. On a des jeux encore à tester bientôt, on est un peu à la bourre là-dessus. Et l'épisode principal devrait être tournée normalement courant mai. Donc d'ici l'été, vous devriez encore avoir pas mal d'épisodes. Merci d'être fidèle à l'émission. N'hésitez pas à donner vos retours sur cette première interview. Et si vous voulez conseiller des gens qui pourraient être intéressés pour passer dedans, n'hésitez pas à nous donner des noms, des arrobases. Nous, on essaie de taper large. Normalement, le prochain interviewé sera carrément un chanteur. Donc voilà, je vous laisse deviner qui. Et voilà, encore infiniment merci à Mano d'avoir été ce premier invité, d'avoir été un peu plein le crash test. Pas de problème. De toute façon, j'ai plein de trucs à regarder. Et bah... je vais me remettre l'intégrale là en journée de montage. Et bah tu verras, les débuts sont un peu compliqués en enregistrement. Ah, mais de toute façon, on a tous les débuts compliqués. Les classiques, hein. Les classiques évidemment. Voilà, et bah en tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. La bonne soirée. Merci, Yann, des bisous. Bye.